couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 18. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous contacter, faites-le à l'adresse suivante, nouvelle adresse, comme vous le savez, en tout cas pour les plus assidus d'entre vous, dempart, D-E-M-P-A-R-T, @dnmx.org, je répète, dempart, D-E-M-P-A-R-T, @dnmx.org. Nous sommes sur un nouveau nom de domaine, puisque la censure sévit régulièrement sur nos noms de domaine, comme vous le savez. Nous sommes maintenant en point .world, donc monde en anglais, j'appelle quand même W-O-R-L-D, point W-O-R-L-D, donc démocratie-participative.world. Vous avez compris, je pense. Vous pouvez bien évidemment nous rejoindre sur le forum de ELB pour commenter les articles, les émissions. Il y a différentes rubriques, hein, rubrique crypto-monnaie, on a des pointures, informatique si vous avez des questions, révisionnisme, etc. Enfin, il y a vraiment des tas de sujets. Guide racial des villes, ça c'est toujours très prisé. Il y a toujours des gens qui veulent en savoir plus sur une ville, et même si votre ville n'est pas très grande, n'hésitez pas à contribuer, parce qu'ensuite, les visiteurs peuvent se renseigner hein, sur souvent dans le cadre d'éménagement, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Et par rapport au nom de domaine qui a sauté, bon, il saute régulièrement, hein, puisque c'est, comme vous le savez, c'est... Oui, je peux même pas vous dire quelle organisation juive, parce que c'est tout en même temps, donc voilà, mais enfin, disons qu'ils font sauter nos noms de domaine régulièrement, et pour y pallier, c'est ce que j'avais expliqué la semaine dernière, donc je vais pas revenir là-dessus. Vous pouvez vous reporter à l'émission précédente, à l'introduction, où j'explique un peu plus en détail, mais nous avons un Onion Tor, il est disponible sur le site internet. Téléchargez le navigateur Brave, il y a une fenêtre spéciale en cliquant en haut à droite que vous pouvez ouvrir, une fenêtre spéciale Tor, et vous avez juste qu'à rentrer notre Onion Tor dans votre barre URL et vous pouvez vous connecter sur le site. Voilà, donc vous avez qu'à avoir l'adresse de notre Onion de côté, vous le rentrez dans le navigateur Tor, dans cette page spéciale pour naviguer sur Tor, et voilà. Et du coup, vous n'avez pas besoin de VPN, pour ceux qui n'ont pas de VPN, qui sont fâchés avec ça, et vous n'avez pas de problème, si vous voulez, de blocage par les fournisseurs d'accès à Internet au site, puisque... Vous savez que l'État français, donc sur pression des Juifs, hein, mais demande au FAI de bloquer le site en France. Donc on change régulièrement de domaine, mais bon, comment dire, ça peut être un peu casse-pied. Donc pour tous ceux qui, parce qu'à chaque fois c'est toujours la même chose, il y a tous ceux qui viennent ensuite en email demander où trouver le site, vous avez un Onion Tor à votre disposition. C'est gratuit, vous n'avez rien à faire, juste télécharger le navigateur Brave. Téléchargez le navigateur Brave, ayez de côté l'adresse de l'Onion, et c'est tout. C'est aussi simple que ça, et vous n'avez plus de problème de VPN, de FAI, de rien du tout. Le site est constamment consultable, il est incensurable. Donc franchement, je vous invite à vous familiariser avec ça. C'est très très utile, c'est très très utile. Voilà, donc j'ai fait ce petit passage-là. Donc ça c'est fait. Je vais présenter notre petite équipe aujourd'hui. Nous sommes, oui, en équipe réduite, puisque beaucoup de nos participants ont des empêchements divers, d'ailleurs. des empêchements ou des obligations. Mais on a quand même une bonne petite équipe. Et en plus, aujourd'hui, le sujet, c'est ce qu'on avait un peu annoncé, ça se focalise autour d'Oradour, puisque les commémorations arrivent le 10 juin. Nous sommes aujourd'hui le 5 juin, donc demain, on a les commémorations annuelles du débarquement des Anglo-Américains, ou même des Canadiens aussi, en Normandie. Alors, c'est à chaque fois l'occasion d'un matraquage en faveur des Alliés. Je présume cette année que les Russes, l'absence des Russes aux célébrations sera particulièrement soulignée, à mon avis. Bref, peut-être l'occasion d'y revenir. En attendant, je vais présenter nos deux autres participants, en plus de moi. Donc on a évidemment Vincent, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre chaque semaine depuis quelques semaines. Salut Vincent. Ah, il ne nous entend pas, Vincent. Oh, pardon. Bonjour Gandalf, et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'émission. Et aussi Sobieski, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Peut-être que quelqu'un, d'ailleurs, nous joindra durant l'émission. Peut-être Doom, je ne sais pas. On va voir. Salut Sobieski. Salut Gandalf, salut à tous les démocrates. En aparté, ton son est bon là. Ton son est propre. C'est bien là. Alors, Ouais, les dons. Voilà, je reprends. 3, 2, 1. Chers amis, si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir Démocratie Participative. Le site, le forum, l'émission aussi éventuellement. Alors, tout simplement en vous reportant à notre adresse Monero que vous trouvez sur le site. Donc, crypto-monnaie Monero. Je ne présente presque plus, qui garantit l'anonymat des transactions, donc votre anonymat à vous. Si vous nous faites un don, vous n'avez pas envie de savoir que vous l'avez fait, vous n'avez pas envie de savoir que des gens sachent que vous l'avez fait, donc cette crypto-monnaie le permet. Familiarisez-vous avec ce petit outil, très utile pour financer les mouvements en dehors de toute surveillance intempestive. C'est aussi bien pour s'envoyer de l'argent entre amis. Hein. Vraiment, je vous en recommande l'utilisation. Je le dis à chaque émission, mais faut répéter. Hein. Il n'y a pas de mystère. Si vous voulez soutenir Vincent aussi, j'en profite pour le dire. Hein, vous pouvez aller sur son site internet. L'adresse email, vous la connaissez peut-être aussi. C'est blog, donc blogue-sc.com, donc blog sans concession.com, donc blog-sc.com, et là-bas vous pouvez vous reporter aux différents moyens de soutenir Vincent, et soit en lui faisant des dons, parce que la librairie, enfin, tu as toujours des difficultés techniques avec ta librairie, je pense, hein, je crois que ça n'a pas été encore résolu, me semble-t-il, je sais pas. Non, ce n'est toujours pas résolu puisque c'est extrêmement difficile. Donc voilà, donc en attente. Vous pouvez soutenir Vincent en passant par son site, bien sûr, visionner ses vidéos. Et en as fait une sur Adolf Hitler et l'art dégénéré, mais celle-là, elle remonte à la semaine précédente. T'en as fait une aussi sur Rivarol. Bon, t'en fais régulièrement. On peut te retrouver aussi, bien sûr, sur ton compte Gab, GAB.com, où ton contenu est aussi régulièrement uploadé, sur Gab lui-même, parce qu'il y a Gab TV qui permet de mettre des vidéos. Donc, je vous invite à vous reporter au compte Twitter, au compte Gab de Vincent Renoir, mais aussi, par là même, en plus de son blog, vous trouverez toutes les plateformes qui sont listées où on retrouve ces vidéos. Donc, n'hésitez pas, c'est l'occasion d'y aller. Alors, chers amis, je remercie nos donateurs de cette semaine. On en a un qui nous a envoyé un courrier d'électeur. Je reprends. 3, 2, 1. Je remercie les donateurs de cette semaine. Nous en avons un qui nous a écrit un courrier pour nous le signifier. Si vous nous faites des dons, vous voulez être remercié en ligne, n'hésitez pas à le faire. Envoyez-nous un petit message à l'adresse que j'ai donnée. Et je remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent anonymement, bien évidemment, ça va sans dire. Salut l'équipe, voici mon don mensuel, cordialement, et c'est Mélas Autocrator, un démocrate participatif, effectivement. Donc on accuse bien réception de ton don. Mélas, merci pour ton soutien toutes ces années, puisque Mélas nous soutient depuis maintenant longtemps, comme nos auditeurs le savent, parce que son nom revient régulièrement quand on remercie les donateurs. Donc voici qui est fait. Alors je vous propose, messieurs, de passer à la première rubrique, la rubrique diversité, qui a fait les unes, hein, internationales, puisque c'est le Stade de France, hein, il faut absolument qu'on en parle. Vibrante scène donc de la finale de la Ligue des Champions. Effectivement, il y avait beaucoup de champions donc au stade de France. Bon, les scènes, tout le monde n'a pas pu ne pas les voir, hein, parmi nos auditeurs, puisque bon, il faut quand même dire que le sujet a été largement commenté, non seulement sur les réseaux sociaux, mais même sur les médias généralistes. Personne n'a pas pu ne pas le voir, et il y a, je crois, beaucoup de choses à en dire. Alors, d'abord, je vais restituer les faits avec Vincent et Sobieski. Je vais citer la presse, comme toujours dans l'émission, on donne des sources de titres de presse mainstream, classiques, je veux dire, comme ça, qui ne sont pas bienveillants d'ailleurs, donc en général, de notre point de vue, donc comme ça, on peut discuter. Alors, on va commencer avec 20 minutes, qui fait un résumé assez honnête de la situation, donc au lendemain. Alors, donc, il y a eu les événements, il y a eu la réaction de Darmanin et du ministre des Sports, de la nouvelle ministre des Sports, et 20 minutes a commenté en fait à la fois les événements, les réactions du gouvernement, les tentatives d'explication qui n'en étaient pas, etc. Et ma foi, ça me paraît être assez objectif, il n'y a pas vraiment de commentaires. Je vous donne ça tout de suite pour qu'on sache de quoi on parle. Alors, les autorités auraient-elles un problème avec les chiffres, s'interroge donc 20 minutes. Depuis la finale de la Ligue des Champions, opposant le Liverpool FC au Real de Madrid, samedi soir au Stade de France, le gouvernement et la préfecture de police de Paris sautent d'un argument à l'autre pour justifier la gestion chaotique du flux des supporters anglais aux abords du stade. Report du match, enfants victimes de jets de gaz lacrymogènes, attroupement de supporters, après avoir accusé les Liverpooliens, donc les supporters de Liverpool, de s'être présenté trop tard, puis la grève de la RATP, le gouvernement met en avant la présence de milliers de supporters avec de faux billets ou sans billets qui ont dû être refoulés et qui seraient la raison de cette bérésina organisationnelle. Donc ce lundi matin, donc là on est lundi, alors il y a une semaine pour nos auditeurs qui écoutent l'émission puisqu'on est mardi au moment de la diffusion. Donc ce lundi matin, il y a 8 jours, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, donc récemment nommée par Macron, a évalué ce matin sur RTL entre 30 000 et 40 000 le nombre de supporters de Liverpool, dans ce cas, donc, qui auraient des faux billets. Hein. Un chiffre répété par le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lors d'une conférence de presse en début d'après-midi, citant, je cite, « une présence massive de faux billets, avançant même le chiffre de 70% de faux billets à l'entrée du Stade de France. Le mal racine, je cite encore, des événements, une évaluation rejetée par les personnes présentes sur place. » Alors, le chiffre avancé par les autorités semble très fortement surévalué, estime 20 minutes. Environ 60 000 supporters anglais étaient attendus à Paris pour cette finale de la Ligue des Champions. Un grand nombre d'entre eux ne possédaient pas de billets pour le match, puisque 22 000 étaient attribués à Liverpool, le même nombre que pour le club madrilène. Le reste des places était à la disposition de l'UEFA pour la vente, les invitations, etc. Selon Football Supporters Europe, donc FSE, une association qui regroupe des supporters de football et présente dans plus de 50 pays, le nombre de supporters anglais avec un billet s'établit à 26 000. Pour gérer tous ceux qui venaient démunis de tickets, une habitude pour les supporters anglais lors des matchs européens, une fan zone a été installée sur le cours de Vincennes, dans le 12e arrondissement de la capitale. D'une capacité initiale de 44 000 places, selon la préfecture de police, elle était, selon les témoignages et reportages, pleine durant le match. La FSE évalue l'affluence dans la fan zone entre 45 000 et 50 000 personnes. les supporters du Real Madrid aperçus y étaient très rares puisqu'une fan zone à Saint-Denis leur était réservée avant le match pour les détenteurs de billets et qu'il n'est pas dans la tradition des supporters espagnols de se déplacer sans ticket. Rien qu'au regard de ces chiffres, il est totalement farfelu d'imaginer 40 000 supporters anglais sans billets au Stade de France, explique Pierre Barthélémy, avocat et membre du conseil d'administration du FSE. Présent aux abords du stade en tant qu'observateur pour l'association, Pierre Barthélémy réfute strictement cette explication. C'est une excuse de plus. Au départ, ils ont expliqué que le match était reporté à cause du retard des supporters, et ils se sont rendus compte que beaucoup étaient déjà là à 17h30 ou 18h. Ensuite, ils ont accusé la grève du RER, mais il n'y a eu aucun problème de ce côté. Ensuite, il y a eu les faux billets, et sans billets, mais le chiffre est grotesque. C'est ridicule. Le membre du FSE, qui est resté plus d'une heure devant la porte Y, la porte principale pour les supporters anglais, ne rapporte qu'une dizaine d'interpellations pour faux billets, dont au moins la moitié qui concernait plutôt des jeunes du quartier. Donc je cite, « Il ne portait aucune identification à Liverpool, ni maillot, ni couleur. » Une observation qui coïncide avec les images diffusées par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Au total, Gérald Darmanin, dans un tweet publié ce lundi après-midi, rapporte 29 interpellations aux abords immédiats du Stade de France. La moitié étaient des Britanniques, dont 9 pour intrusion. Selon nos confrères de BFM, 48 gardes à vue ont été prises par le parquet de Bobigny, mais aucune n'est intervenue pour des faits liés à des intrusions ou de faux billets d'entrée au match. Un bilan bien maigre, comme le rapporte Ronan Elvin, le directeur général du FSE sur Twitter. Ce chiffre donc de 40 000 faux billets est totalement, totalement fantaisiste. Alors ça, c'est, comment dirais-je, le point de vue de 20 minutes. Il y a une interview de David Riolo qui est intéressante, qui a été accordée au Figaro. Donc les gens, je pense qu'ils connaissent Riolo, hein, commentateur sportif, donc spécialisé dans le foot. Et bon, il a commencé à dire un peu ce qu'il pensait de toute cette affaire et surtout de l'attitude du gouvernement français par la voix de Darmanin et de la ministre des Sports qui a été avec lui présente, sans parler du préfet de police, là, l'allemand, également là, qui était présent lors des événements. Alors voici ce que nous dit Riolo. Donc ça, c'est la version franche, hein, sans désinformation. Alors donc, entre le point de vue A de Darmanin et le point de vue B de Oudéa Castéra, donc la ministre des Sports, on prend la mesure, pour l'instant, du fiasco total au niveau organisationnel et surtout dans l'analyse de ce qui s'est passé. Ça, c'est Riolo qui s'exprime. Hein. Entre les deux, entre les deux versions quoi, hein, des deux ministres, il y a les témoignages, ceux qui étaient, ceux qui racontent, des images. Et on voit très bien que l'organisation était défaillante sur plusieurs aspects, notamment du fait de stadiers mal formés, incompétents, recrutés une semaine avant la rencontre via Facebook. Ce n'était même pas le niveau Ligue 2 des stadiers. C'était des jeunes de cité qui étaient amis avec les agresseurs. C'était n'importe quoi. L'histoire des faux billets, je n'y crois pas. Le tourniquet a bloqué après le premier faux billet qui est passé et ils ne se sont jamais remis en marche. D'où l'embouteillage monstrueux qu'il y a eu. Il y a dû avoir quelques centaines à peine de billets qui ont été fabriqués par les jeunes de cité qui les ont revendus à des Anglais. Ce qui s'est vraiment passé, c'est une histoire semblable à une attaque de diligence, nous dit Riolo, par des Indiens. Environ 300 ou 400 riverains, comme les a gentiment appelés le Parisien ce matin, alors qu'il s'agissait essentiellement de bandes de cité. Comprenez les adolescents. Hein. Ça a donné au moins 1000 voleurs, détrousseurs, bandits qui ont agressé des familles, qui ont jeté des gens au sol, qui leur ont tout pris, laissant les gens dehors, ne pouvant assister au match. Il y a aussi beaucoup de gens qui avaient des vrais billets et qui n'ont pas pu rentrer du tout. On nous a dit qu'ils n'étaient pas arrivés à temps, etc. Mais tout cela est faux. Les supporters anglais étaient là 2 ou 3 heures avant. Ils se sont comportés de manière remarquable. Il n'y a pas eu d'incident entre les supporters. Les Espagnols ont été moins agressés parce qu'ils étaient de l'autre côté, mais ils n'ont pas été mieux traités. Petit à petit, les témoignages vont venir. Les gens qui ont l'habitude de fréquenter les stades, notamment les journalistes anglais, disent qu'ils n'ont jamais vu ça depuis 20 ou 30 ans. C'est un fiasco monumental. Riolo enchaîne. On sait qu'il y a un problème avec les stadiers en France parce que plus personne ne veut faire ce métier. Donc, on met des gens à peine formés, payés au lance-pierre et ils sont complètement débordés. Les stadiers de samedi soir ont été recrutés à la va-vite il y a une semaine parce que la France a récupéré cette finale au débeauté, au dernier moment, après qu'on l'ait retirée à Saint-Pétersbourg, donc en Russie, pour des raisons politiques, vous le savez. Donc voilà, on a recruté sur Facebook, il n'y a qu'à voir les images, les stadiers n'essaient même pas d'arrêter tout ce qui rentre, il n'y a aucun contrôle, ils font passer leurs copains. C'est grotesque. Alors, pour rajouter, j'allais dire, au ridicule, au tragique, au tragicomique de la situation, vous avez eu chez Hanouna ce Marocain qui s'est filmé dans le stade, hein, il était rentré, et il se filme et il dit « Voilà, moi je suis rentré dans le stade, le billet il coûte 5000 euros, j'ai rien payé !» Et il termine sa brève prise de parole filmée dans le stade. « Je nique la France !» Tu vois, oui, bon, c'est pas le premier bougnoule qui essaie de niquer la France, avec plus ou moins de succès, mais lui avec du succès. Viens ici, son papy, sur rien du tout, mais rentre à match. Les gens sont achetés 5000, 6000, pour gratuit. Ni à France, ça, je vais niquer la France bientôt. Et alors, il est passé chez Hanouna, là, je voulais pas, je comprends pas, je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas ma faute, monsieur. Quand il ment le maghrébin, c'est pas possible. Ben, normalement, je dis pas ça. Pourquoi vous avez dit ça? Pourquoi? Quand je rentrais, le match et tout, ça, je savais même pas comment je voulais dire ça. Ah ouais, non, mais c'est voilà. Mais il passe, il est là, il demande le pardon, et franchement, Gilles Verdez le lui a accordé sans trop broncher. Hein. Voilà, c'est pas étonnant, vous me direz, puisqu'il s'est converti à l'islam pour épouser sa très chère sénégalaise. On passera là-dessus. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, hein, y a d'autres points à souligner, mais là-dessus, donc on a fait la présentation des faits, hein, c'est-à-dire les événements en eux-mêmes, les causes des événements, bon, assez rapidement et bien présentées par Riolo, les mensonges énormes de Darmanin, mais absolument, je veux dire, devant tout le monde, c'est ça qui est le plus fascinant. C'est-à-dire, le mec ment, tout le monde sait qu'il ment, lui-même sait qu'il ment, mais il démord pas, c'est-à-dire qu'il insiste, il persiste, les heures passent, les jours passent, il va au Sénat, c'est incroyable, on se frotte les yeux, quoi. Et ce qui va ensuite, et on verra ça un petit peu après, qui déclenche un scandale dans toute l'Europe. Alors d'abord en Espagne et en Grande-Bretagne, évidemment, puisque c'est les clubs. Parce qu'au niveau du football, la Ligue des Champions, c'est bien la rencontre ultime, hein, des clubs en Europe. C'est suivi dans le monde entier. C'est un des grands événements sportifs de l'année, indubitablement. Et bon, voilà, c'est international, tout le monde regarde. Alors, hurlement absolu en Grande-Bretagne, en Espagne, on va y revenir. Stupéfaction dans le reste de l'Europe, parce que forcément, ils ont vu deux choses. D'abord, les scènes. Et ensuite, les réactions du gouvernement qui dit hein, quoi, comment, mais non, mais c'est de la faute des Anglais, tu vois. Bon, voilà. Alors, je vous donne maintenant la parole. Peut-être qu'on va, avec ce biais-ci, pourquoi pas. Je vous donne la parole. Voilà. D'abord, les fêtes, peut-être les scènes en elles-mêmes, quand on a pris connaissance, quand on a vu ça. Et ensuite, les réactions du gouvernement, quoi. On n'a qu'à procéder dans cet ordre. Bah, écoute, moi, en plus, le hasard a fait que je me suis baladé dans Paris. Courant du samedi et je suis passé par le métro et moi le métro c'est quelque chose qui me dégoûte tout particulièrement parce que ça pue, c'est sale, ça fait du bruit et en plus c'est rempli de nègres, mais j'avoue que ce soir là pendant l'espace d'un instant, l'espace de voilà, je dois passer une heure dans les transports des fois selon le voyage, mais l'espace d'une heure je me suis senti bien, parce que les Anglais, ils étaient sympathiques, ils étaient corrects. Et surtout que c'est pas du tout ce qu'on nous raconte. Darmanin et le gouvernement et BFM TV nous racontent que c'est des hooligans. Et c'est fini, hein, les hooligans anglais, maintenant, pour acheter des billets, les mecs, ils sont obligés de se créer un compte. Et je crois que maintenant, ils ont un système, les hooligans qui se sont fait fichier au Royaume-Uni, pour acheter un billet, ils doivent passer deux fois, je crois, au bureau de police, donc Bon. Donc, non, c'était bon, une bonne enfance, c'était familial, c'était tranquille. Enfin, c'était bien, ils étaient alcoolisés. Alors, forcément, comme on est en France, j'en ai vu quelques-uns s'embrouiller avec des chances pour la France. Mais les Français que nous. Mm-hmm. Mais justement, c'était marrant de les voir se refaire recadrer par les Britanniques parce que bah ouais, c'est quand même de la barbaque blanche un peu nerveuse avec un peu d'alcool, voilà, ouais, je vois le tableau. Il y a des images qui ont circulé d'ailleurs où on voit deux trois maghrébins qui avisent. Tu sais comment ils sont, quoi. Ils sont en jogging. Bon, ça fait 40 ans qu'ils sont. Voilà, mon frère. Qu'est-ce que t'as dit, là. Et tu sais, le Britannique, c'est ni une ni deux, il lui fout une droite. L'autre, il tombe et il part comme des rats, tu sais. Il détale tout de suite, tu sais. Ah, ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, quoi. Le truc, c'est que les Britanniques, c'est un peuple qui... Bon, voilà, ils savent ce que c'est, donner des coups, surtout dans un contexte footballistique... Voilà, donc mais sinon non voilà, donc c'était donc voilà, donc premier truc, c'était, toi t'étais de sortie ce soir, tu les as vu, voilà. Les supporters, très tout se passe bien, c'est bien, ça change un peu, oui, d'habitude, j'ai même pu échanger avec l'un d'entre eux, bon voilà, très correct, très sympathique, c'était des pères de famille, hein. Et je voyais d'ailleurs, il y en avait pas mal, c'était le père avec ses deux fils, parfois avec la femme en plus, enfin, tu vois, c'était vraiment en famille, c'était des groupes d'amis, donc pas du tout les hooligans, je veux dire, pour ceux qui... Il y avait un film américain comme ça, là, qui avait fait le portrait des hooligans, là, avec Elijah Wood, si c'est ça que vous pensez, c'est pas ça ce que j'ai vu l'autre soir. Non, c'était des gens tranquilles. Il faut quand même pas oublier que le foot, ça coûte de plus en plus cher, je veux dire, par rapport à il y a 40 ans, etc. Je sais que les places ont explosé, la spéculation, elle s'est faite sur le foot, donc c'est plus le même public, Donc là, les types, ils sont en train de nous faire un récit des années 80, ça n'a plus aucun sens. Ensuite, faut quand même pas oublier que les flics se sont quand même pas mal illustrés pour leur débilité et pour leur violence stupide, parce que truc que j'aime bien, c'est que il y a un terme là qu'un Américain a popularisé, c'est l'anarcho-tyrannie. Et ça correspond bien à ce qu'on raconte. C'est-à-dire que avec les bougnoules, les policiers vont se montrer très magnanimes. Par contre, quand ils tombent sur des blancs, que ce soit les gilets jaunes, ou la manif pour tous, ou là, c'est Britanniques qui assistent à un match, et ben là les flics ils y vont. Je me souviens que j'ai vu l'image d'un jeune là, il présente son billet, totalement aucune agressivité, et le flic le gaze gratuitement, quoi. Enfin c'est et j'ai vu que du coup sur les médias espagnols et britanniques, j'ai lu et les mecs sont choqués. Ils découvrent avec effroi. Ouais, le maintien de l'ordre à la française. Voilà. Dont d'ailleurs le gouvernement français et Macron le premier s'honore. Hein, ils disent putain, les flics, ils font. Mais le problème, c'est que. Bon, je te redonne la parole, mais sur ce point précis, t'as raison. Les Français sont tellement traités comme des. Parce que bon, la France, moi, est une colonie, hein, voilà, en gros. Je vais présenter ça comme ça. Donc la France est une colonie. Les autochtones sont traités comme des sujets coloniaux. La police est une police coloniale. Et elle traite la population française autochtone exactement comme on traite des sujets coloniaux. Donc l'armée coloniale pouvait traiter... d'ailleurs, l'armée coloniale française peut peut-être traiter avec plus d'égard les indigènes dans les colonies qu'aujourd'hui la police française traite hors période de guerre, je veux dire. Voilà. Donc, avec les gilets jaunes, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'ils ont modifié. C'était déjà pas terrible, mais ils ont vraiment modifié la doctrine. Et ça a donné. Donc, en fait, on éborgne des gamines. C'est toutes les scènes qu'on a vues sous les gilets jaunes. Hein, voilà. La presse française ferme sa gueule ou applaudit. C'est ce qui s'est passé sous les gilets jaunes. Parce que c'est une presse bourgeoise qui était contente qu'on casse la gueule du peuple. Il faut être clair. Tout le monde s'était endormi là-dessus. C'est-à-dire que à la fois les Gaulois, écrasés par les flics, avaient acté que c'était comme ça que ça se passait. La presse française avait acté que c'était comme ça que ça se passait et elle s'en félicitait. parce que c'est comme ça qu'on doit dresser ce qu'ils appellent les populistes, en fait le peuple, hein. Et ils disaient, eh ben, c'est très bien. Les flics qui ne recrutent pas spécifiquement, ou en tout cas systématiquement, parmi les catégories les plus intelligentes de la population, il faut quand même le souligner, surtout dans le maintien de l'ordre, bah, on leur a dit, les gars, vous voyez là, quand il y a quelqu'un, on gaze, ok, on ne cherche pas trop, hein, voilà, on gaze, on allume, quoi, on y va, hein, on cogne, voilà, et le reste, on verra. Après, de toute façon, les célébraires, on s'en fout, derrière, on noie, hein, on noie le poisson, les juges nettoient le truc, ok. Et tout le monde est content comme ça. Sauf que là, le problème, et c'est ce que tu as souligné, c'est que c'est un public étranger. Donc, c'est un événement international. Il y a des caméras étrangères, il y a des journalistes étrangers. On ne peut pas faire ça, dans les frontières hermétiques de l'Hexagone, vous voyez, on ne peut pas souquer le... Voilà. Ben, et là, la catastrophe arrive. C'est ça la catastrophe, c'est que Darmanin et l'Allemand ont trop pris la confiance, là, ils ont tellement pris la confiance qu'ils ont oublié que, voilà, là, il y a des Espagnols, des Anglais... Ouais. Mais pas que. Il y avait pas mal de un peu partout toute l'Europe, peu importe. Oui, forcément. On peut être slovène et supporter Liverpool, c'est pas un problème, tu vois. Ou même, on peut même être japonais et supporter Liverpool. J'en suis bon. C'est le foot. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup là, ça, les gilets jaunes, ça posait pas problème parce que à l'étranger. Je sais que ça avait posé problème à l'étranger, parce que nos voisins, ils s'interrogeaient sur un tel niveau de répression. C'est-à-dire que, tu vois, ils ont l'habitude de dire que la Russie, c'est pas bien, c'est méchant, Poutine tape ses opposants, sauf que, Macron, il a fait guère mieux, quoi. Il était même pire. Bien pire. Oui, j'essaie d'être. Non, je veux dire, il y a de la répression en Russie, parce que bon, moi, je veux dire, oui. Moi, j'ai une sympathie que je cache pas pour la Russie. Je dis pas que son modèle politique est parfait ou quoi que ce soit, hein, ou que c'est celui que je souhaite. Bon, j'ai une sympathie, mais c'est évident qu'il y a de la répression, mais elle est toujours assez millimétrée, et même dans le maintien de l'ordre, même si les flics russes, bon, ils donnent des coups de matraque, on n'a jamais vu en Russie. Jean-Yves Bornier. Non, parce que bon, on peut plus trop cacher, parce que je veux dire, avec tous les téléphones portables, bon, de toute façon, les vidéos, elles sont prises, elles sortent, hein, du pays, il n'y a rien à faire. Et bon, quand il y a un peu de répression, ça cogne à droite à gauche, et c'est toujours très limité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de civilité à la fois du pouvoir établi en Russie et de l'opposition russe qui est tel que, en fait, bon, on manifeste, il y a un peu de violence avec les flics, et voilà, il y a quelques mecs un peu en vue qui sont condamnés à des peines de prison, mais c'est très symbolique, des gens comme Navalny, mais voilà. Mais en France, on a eu, et ça a été une première depuis très longtemps en Europe, on a eu une répression de masse très violente sur des gens, sur des petits gens, des gens du quotidien. Et ça s'était pas vu depuis très longtemps. Mais ce qui s'est passé sous les gilets jaunes, c'est que les médias ont réussi à expliquer, parce que bon, d'abord ils étaient pour, et ils ont réussi à dire non, mais c'est normal, c'est totalement normal. En fait, ils expliquaient aux étrangers, ils expliquaient aux autres pays que non, mais c'est normal, c'est l'extrême droite, c'est les black blocs, ouais. C'est les ceci, c'est cela. Enfin, ils trouvaient tous les prétextes pour et du coup à l'étranger, bon, ils se posaient pas plus de questions. Sauf que là, cette fois, c'est leurs ressortissants qui reviennent avec des yeux au beurre noir. Donc, forcément, là, on pose des questions. Et sauf que comme on est dans une espèce de régime complètement pourri, je veux dire, les régimes d'Occident sont pourris, les régimes d'Europe sont parmi les plus pourris d'Occident, et parmi tout ça, la France, c'est clairement le pire régime qui soit. Hein, on est bien d'accord. Et le truc, c'est que on se retrouve avec Darmanin qui est toujours là. Et oui, il est là, il est content. Toujours là. Il gère les orages. Il gère les orages maintenant. Voilà. Tu vois, là, oui. Voilà. Et Didier Lallemand semble pas être très inquiété. Donc, non, mais lui, il est prévu de dégager, mais d'avant. C'est-à-dire que c'est un préfet. Donc, tu sais, ça, c'est. Il finit sa carrière, si tu veux, comme préfet de police. C'est des cursus administratifs, voilà, ancienneté, truc. Donc, il va partir. Les médias macronistes vont dire, ah bah vous avez vu hein, quand même, hein, les leçons étaient dites. Non, il est prévu depuis un moment déjà qu'il quitte ses fonctions, c'est complètement prévu. Et ça ne sera pas du tout en lien avec ce qui s'est passé. Mais l'Allemand, d'abord, l'Allemand est un socialiste qui vient du trotskisme. Les gens ne le savent pas. C'est un trotskar. Bah oui, les gens ils ont tendance à oublier que la répression et la gauche ça fait hein, parce que Mitterrand il était déjà pas mal en son genre avec il venait de l'extrême droite Mitterrand, mais je veux dire par là que on est sous un régime trotskiste, c'est-à-dire on est sous un régime judéo-communiste. Les gens ils comprennent rien. Alors tous les abrutis qui disent oh là là, on subit la résurgence du fascisme. Je crois que j'ai vu je crois que c'était Asselineau qui expliquait que Macron c'était le fascisme et c'était l'extrême droite. c'est juste la répression cosmopolite traditionnelle. Mais là le truc qui est bien, c'est que les autres Européens, alors il y a deux trucs, c'est que parce qu'il y a l'aspect racial et il y a l'aspect institutionnel. Alors, là, on est sur l'aspect institutionnel. Là, c'est bien, au moins les Britanniques et les Espagnols, les autres aussi, hein, mais au moins ces deux pays, ils ont leurs ressortissants, comme tu l'as dit, ils ont compris ce que c'était. Alors, compris, entre guillemets, parce que bon, il faudrait beaucoup plus de temps, voilà, mais ils ont quand même eu un aperçu du fonctionnement de l'État français, de ce que c'était que le gouvernement français, de ce que c'était que sa police, et donc ce qui veut dire que quand ils verront des Français qui se font casser la gueule en manifestant parce que en fait ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts, bon, il y a au moins quelques Britanniques et quelques Espagnols qui étaient présents sur place qui auront eu qui ont eu cette expérience et qui pourront dire non, mais en fait, les gars, ils cassent la gueule à leur peuple parce que c'est comme ça qu'ils pratiquent en fait. Quand les mecs ont faim, on leur casse la tête. C'est ça. Mais du coup, tous nos voisins, en fait, ils ont vu que le blanc se fait casser la gueule et que le bougnou fait la loi. Exactement. Voilà, l'anarcho-tyrannie, voilà. Et l'avantage en plus, c'est que du coup, ces deux pays, tu vois, c'est deux pays dont la langue est très parlé dans le monde, donc du coup les articles ils ont fusé, tu veux dire, le monde entier est au courant de ce fiasco, je veux dire jusqu'en Australie, jusqu'en Argentine ils sont au courant du fiasco, pense que un certain président russe a dû bien se marrer d'ailleurs en voyant ça. Bah, j'imagine. Alors Vincent, je me retourne vers toi, tu es en Angleterre. Les médias britanniques, ils sont allés très fort. Ils étaient scandalisés, moi je les comprends. Hein. Je veux dire, ils ont dit, mais c'est scandaleux. Parce que subir déjà ça, c'est affreux. Mais le lendemain, avoir le ministre de l'Intérieur qui dit que les salopards de l'affaire sont les supporters anglais et espagnols, enfin, c'est ajouter l'injure à la catastrophe, quoi. Je veux dire, c'est ce qui se fait de pire. Donc les mecs devaient être complètement excédés. Alors je ne sais pas si tu as pu saisir au vol des réactions, ou je ne sais, dans les médias ou autrement. Donc déjà, peut-être d'une part, si jamais t'as pu sentir l'atmosphère sur ce point-là, et deuxièmement, déjà sur ce qu'on a dit, il y a d'autres éléments qu'on va aborder, mais déjà sur ce qu'on a dit, le fiasco organisationnel et l'attitude du gouvernement français. Oui, alors, donc, merci de me donner la parole. Donc oui, en effet, moi je suis en Angleterre, donc... Alors qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre? Alors d'abord, je tiens à confirmer entièrement ce qu'a dit Sobieski avec vraiment beaucoup d'intelligence, c'est que le phénomène hooligan, c'est du passé ici. C'est du passé. Moi, je ne vais pas dans les stades de foot, mais donnant des cours particuliers à Londres, et en donnant même quand il y avait des matchs, je circulais. Et donc, Sobieski a tout à fait raison. Aujourd'hui, le foot, c'est cher. C'est devenu une affaire familiale. Donc, quand vous voyez un match, c'est les parents ou le père avec les enfants. Et des garçons et des filles, d'ailleurs. Hein. Et donc, ce sont des ambiances très, très, très bon enfant, aux alentours des stades, déjà. Les hooligans, ça fait bien longtemps, voilà, que par un système policier et judiciaire, ils ont été neutralisés. C'est fini tout ça. Alors, des fois, il y a des incidents, naturellement. Ça, je veux dire, c'est du ressort de tout ce qui se passe chez les êtres humains. Mais, et notamment, je me rappelle très bien qu'un soir, je revenais à vélo, c'était un grand match, alors je sais plus ce qu'il y avait. Et alors, il y avait dans une rue, il y avait les cafés avec des numéros impairs, c'était les supporters d'un club, et les cafés numéro pair, c'était les supporters de l'autre club. Eh bien, entre les cafés, bon, il y avait quand même des policiers au cas où, mais je peux vous dire que, bon, d'abord, les policiers étaient là, et visiblement, ils regardaient aussi le match, il se passait rien de mal, et j'ai pu remonter toute la rue à vélo, tout se passait très bien. Il y avait aucun heurt, c'était des gens dans les cafés, c'était bon enfant, ils étaient dans leur bière, et puis voilà. Je n'ai jamais, sauf en une occasion, il y a eu quelque chose, oui, près du stade de Chelsea, il y a eu des jets de pièces de monnaie, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, il y a eu des bagarres, enfin, c'est très rare. Donc en effet, le phénomène Wigan des années 80, c'est fini ça. C'est, oui, moi qui suis encore une fois en Angleterre, je le vois. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que déjà, il y a eu tous les témoignages de gens de Liverpool qui étaient là, qui soutenaient l'équipe de Liverpool et qui sont revenus, et qui ont tous témoigné. Qui ont tous témoigné sur ce qui s'était passé. Alors, il y a eu des termes terribles, hein, scène de guerre, voilà, fiasco monumental, violence policière, et tous ceux qui étaient interrogés, donc, se plaignaient, notamment de l'utilisation abusive de gaz lacrymogène. Il y a eu beaucoup de photos qui sont parues, beaucoup de vidéos où on voit en effet, notamment, on voit un moment un jeune supporter qui est là, qui tend son billet pour dire mais moi je peux pas rentrer, et hop, un policier le gaz. Enfin, c'est un scandaleux, je veux dire, bon, voilà. Il y a eu aussi tous les observateurs britanniques. Parce que les observateurs britanniques, il y en avait qui avaient été envoyés par le club, etc., et qui ont tous témoigné que les supporters avaient observé un comportement, je dirais, parfait. Toujours quelques exceptions près qui étaient un peu avinées, mais donc tout s'est très très bien passé. Et donc tous ont déploré en effet déjà donc le fiasco de l'organisation. Ensuite, voilà, il y a eu les réactions face aux autorités françaises qui ont dit que les Anglais avaient apporté et les faux billets. Alors là, en effet, il y a eu des réactions outragées en disant que c'était absolument faux. Il y a eu donc en effet des chiffres à l'appui, les chiffres sur les achats, etc. Donc il y a eu vraiment en effet une exaspération ici face non seulement au fiasco, mais aussi à la mauvaise foi des autorités françaises et notamment du gouvernement français qui a accusé les supporters de Liverpool. Voilà ce que moi j'ai pu voir, entendre et lire en Angleterre. Oui, comme disait Darmanin, hein, 40 000 faux billets, et il a pointé du doigt spécifiquement, il a dit oui mais de toute façon on est habitué avec les supporters de Liverpool, traditionnellement, en gros, il n'a pas dit ça comme ça, mais ils foutent la merde, hein, en gros. C'est ça, voilà. Ça les a outragés. Ah bah, à mon avis, les supporters de Liverpool, ils ne sont pas la veille d'oublier la ville de Paris, hein, parce qu'ils se sont fait accuser mensongèrement, je veux dire, par le gouvernement français. C'est quand même stupéfiant. Alors, juste avant de continuer, non seulement ils se sont fait accuser mensongèrement, mais il y en a qui ont eu peur. Il y a des pères de famille qui étaient séparés de leurs enfants parce qu'il y en avait qui étaient à la porte U, d'autres à la porte Y, mais ils avaient peur. Et quand les enfants ne répondaient pas, j'ai eu des témoignages comme ça, un père qui n'avait pas sa fille, mais tout de suite, dès la mi-temps, il l'a rejoint, il a dit non, ben, tu ne quittes plus parce que c'est la guerre ici, là, c'est quoi ça? Donc, une chose comme ça. Oui, voilà, ça me rappelle un peu peut-être les images que j'ai vues, ça me rappelait un peu les scènes à Cologne, là, les hordes de maghrébins, c'était essentiellement des maghrébins qui s'étaient mises à agresser sexuellement les femmes lors du Nouvel An, hein, au pied de la cathédrale de Cologne, si vous vous rappelez de ces scènes. Bon, toujours un peu les mêmes populations, vous remarquerez, généralement d'Afrique du Nord, hein. Ce qu'on dit arabe, c'est un peu générique, d'ailleurs, les maghrébins ne sont pas des arabes, d'ailleurs, hein, c'est bien distinct. Et ce ne sont pas des Arabes au sens de la péninsule arabique du tout. Hein. Donc c'est généralement la... Hein ? Ce sont des chamites, je crois, c'est ça le terme, je crois. Ben, le cham, oui. Ben, oui, des Levantins. Oui. Mais disons, comment dirais-je... non, les Nord-Africains, c'est tout à fait spécifique et qui sont extrêmement agressifs et qui, surtout, qui adorent agresser les femmes. Hein, ça, c'est leur truc. Alors, du coup, Vincent, bon, sur les fêtes en eux-mêmes, ton point de vue, donc tu nous as restitué un petit peu la réaction, bon, logique, hein, je veux dire, des Britanniques, des supporters, etc. Mais, qui ont demandé une enquête internationale. Hein. Celle-là, pour une fois, pourrait peut-être être utile. Je sais pas s'ils l'obtiendront, ceci étant dit. Mais, toi, ton sentiment sur les éléments qu'on a abordés, parce qu'il y a d'autres trucs qu'on va aborder, mais la décomposition organisationnelle, l'attitude du gouvernement français, qu'est-ce que tu dirais, toi ? Oh ben, moi, j'aurais pratiquement rien à ajouter par rapport à ce que vous avez dit. D'abord, en effet, on voyait bien que les employés du stade étaient complètement débordés. Alors, certains ont laissé passer leurs copains, mais je vais vous dire, d'autres qui auraient même voulu faire leur métier, comme ils étaient de la banlieue, s'ils avaient fait leur métier, le lendemain, ils se seraient fait casser la figure. Donc, qu'ils aient voulu ou pas laisser passer leurs copains, ils étaient obligés. En effet, on voit bien, ce sont des gens complètement débordés, et c'est un cercle vicieux. Et Sobieski a tout à fait eu raison de le souligner, c'est que, ou alors c'était dans l'article, je ne sais plus, mais à partir du moment où ça devient de plus en plus violent, de moins en moins de gens veulent le faire. Et notamment les Blancs, ils ne veulent plus. C'est Riolo qui disait ça. Hein. C'est Riolo qui disait ça. Ah d'accord, très bien, voilà. Pardon. Ouais, donc journaliste sportif qui dit, mais de toute façon on n'arrive plus à recruter parce que c'est mal payé et il y a des risques. Exactement. Je veux dire, moi je serais un Blanc... j'irai pas faire stadier maintenant au Stade de France, hein. Je veux dire, moi je me souviens de mon passage à la prison de Fleury-Mérogis, les autorités elles m'ont tout de suite dit non, toi t'es un Blanc, t'es pas du 9-3, tu ne sors pas, on pourra pas te protéger dans la cour, hein. Si tu sors, c'est à tes risques et périls. Donc ils m'avaient mis tout seul dans une cellule, et c'est pour ça qu'ils m'ont dit, bon bah écoutez, ils savaient que j'étais un intellectuel, ils m'ont dit, voilà du papier, des stylos, restez dans votre cellule, hein, mais ne sortez pas. Donc, je ne serais vraiment pas stadié au Stade de France aujourd'hui. Donc, en effet, c'est... Et vous savez, c'est un peu général. Par exemple, à la poste, les camionneurs, ceux qui transportent le courrier, j'ai eu le témoignage d'une personne qui travaillait à la poste. Hein. Il me disait la chose suivante. Il me disait, c'est très mal payé. Et donc, en fait, on recrute et en plus, des gens de la diversité, parce qu'il y a plus grand monde qui veut le faire, puis en plus, comme ça fait des boulots pour la diversité. Oui. Et il me disait... Oui, pardon. Non, j'acquiesçais, si tu veux, oui. Ah, d'accord. C'est un phénomène qu'on retrouve d'ailleurs, parce qu'il faut expliquer ça aussi vite fait, je te donne tout de suite la parole, mais... Je t'en prie, très bien. C'est ce qui explique l'aéroport Charles de Gaulle, quand vous allez à Charles de Gaulle, tout le personnel est halogène. Pas forcément désagréable, hein, je veux dire. Bon, mais il y a pas la classe, le sérieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais parfois, vous trouvez des gars ou des femmes d'ailleurs dans le personnel de Charles de Gaulle qui sont issus d'immigration, hein, africaine, turque, noire. Bon, surtout, vous trouvez quelques Maghrébins, quelques Turcs, vous voyez, qui. C'est les chefs en général, eux. Hein. Ou qui font le boulot et qui sont pas désagréables, hein, mais bon, j'ai des souvenirs comme ça de je sais pas, des personnes qui vous filent un coup de main, mais bizarrement avec un air d'une extraordinaire lassitude mêlée de dégoût, c'est un peu bizarre. Ouais, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu partout, hein, malheureusement, tu vois, c'est pas que dans les aéroports, c'est partout. Mais c'est un schéma qu'ils ont utilisé pour donner du boulot, entre guillemets, à ces gens-là. Et c'est ce que j'avais déjà dit dans plusieurs émissions. Ça avait même marqué. Bon, j'avais parlé avec Derrick, donc les auditeurs fidèles de l'émission s'en rappelleront. Moi, en transitant par Charles de Gaulle, j'avais vu des gars, si vous voulez, qui étaient dans le personnel. Donc, ils avaient la tenue de Charles de Gaulle, ils avaient leur insigne et tout. Les gars parlaient vraiment pas français, quoi. Ils venaient d'Algérie directement et ils maîtrisaient pas du tout le français et ils comprenaient pas le français. Et on les mettait là, et en fait, ils n'avaient pas des tâches très complexes, en fait. C'était genre un peu guider les gens, Et ils en étaient même incapables, en fait. Donc, c'était des gars, ils venaient d'arriver, on les mettait là, donc tu sentais que c'était boulot aidé, des trucs comme ça. Et c'est un modèle qu'ils ont généralisé dans la Seine-Saint-Denis, en fait. Ils donnent du boulot, c'est des boulots parapublics. Donc, quand c'est pas public au centre, c'est-à-dire pas fonctionnaire, c'est des trucs sous contrat d'entité où l'État a la main dedans. Parce que c'est des infrastructures, ouais. Aéroport ou Stade de France, je sais pas quelle est la boîte qui gère le Stade de France. Enfin, de toute façon, c'est du public, du privé, vous connaissez le truc, quoi. Et au Stade de France. C'est cette mentalité de bourgeois colonial, là. J'ai déjà entendu, c'est des mecs qui me disent, ouais, mais tu comprends, les Français, c'est des fainéants. Moi, je préfère bosser avec des Africains, avoir des. Et quand ils disent ça, en fait, c'est toujours des chefs, tu vois, genre des mecs qui ont un ou deux rangs au-dessus, et ils disent, ouais, je préfère bosser avec des Africains, ouais, ils sont plus bosseurs, parce que. Il raconte des conneries pour moi aussi, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, il y a cette mentalité de petit bourgeois colonial où le type se dit, Je redonne la parole à Vincent, mais tout ça pour confirmer en fait que dans la Seine-Saint-Denis, c'est un schéma. C'est un schéma, on implante une infrastructure qui économiquement d'ailleurs peut être rentable. Hein, je veux dire, le Stade de France, économique, entre les concerts, les événements sportifs, c'est rentable. Mais on fait bosser les mecs là-dedans, du quartier, comme ça, ça apaise un peu les tensions parce que t'as le cousin qui bosse au stade, donc tu vas pas non plus brancher comme ça directement un gars qui bosse au stade parce qu'il il gare sa bagnole ou quoi, tu vois, c'est ce genre de truc. Pareil pour Charles de Gaulle, pareil pour toute une série d'infrastructures, c'est une stratégie, quoi, hein. Et voilà, donc je confirmais, j'apportais de l'eau au moulin de Vincent, quoi, tout simplement. Quoi. Je te redonne la parole, bien sûr, Vincent. Alors, surtout, ce que me disait ce gars de la Poste, il me disait ce qui était très grave dans cette affaire, c'est que ces gars, ils avaient des contrats à durée déterminée, tu l'as bien dit, c'est des trucs aidés, etc. Mais ils disaient, nous, les supérieurs, on ne sait pas quand se termine leur contrat. Et ils me disaient, donc un matin, ils arrivent, ils prennent la clé du camion, nous, bah, on les voit devenir depuis un mois, on ne sait pas. En fait, ils ne travaillent plus. Et le canon disparaît avec le courrier. Ouais, ouais. Et le canon, on le retrouve quelques jours après, dans un terrain vague, cramé, tout ouvert, etc. Et il me disait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des colis qui disparaissent. Il m'avait expliqué ça en catimini, je faisais une conférence. Et puis après, il était venu me voir, très gentil, monsieur. Il m'avait dit, voilà, on ne sait pas ça en France, mais voilà comment ça se passe, par exemple. Hein. Alors, c'est vrai. Moi, j'ai malheureusement, dans un cadre totalement privé, j'envoie un colis... à une personne, comment dirais-je, il n'y avait pas vraiment de truc de grande valeur, mais voilà. Et vous voyez, ça transite et ça passe par une grande ville française, le colis a disparu, j'ai jamais retrouvé. depuis ce moment-là, je marque plus ce que je fous sur les colis, je raconte des conneries, je dis voilà, c'est des je sais pas quoi. Parce que tu peux pas faire confiance à la Poste française. Si tu dis scrupuleusement, voilà, dans ce colis j'ai mis ça, ça et ça, et que par hasard ça a un peu de valeur, je dis pas, c'est des trucs de grande valeur, attention, parce que le personnel, généralement intérimaire, sous contrat court, etc., qui manipule ça, c'est des mecs halogènes. Ils en ont rien à foutre. On fait disparaître le colis, elle est tombée du tapis, on n'a pas bien regardé, voilà, tu vois, hop, personne va les voir, pas les supérieurs. Donc voilà, et c'est comme ça en fait qu'un État progressivement, un État, je veux dire, développé, devient progressivement dysfonctionnel. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, moi, il y avait un postier qui m'avait dit, si vous envoyez une cassette vidéo, à l'époque c'était encore les cassettes vidéo, hein, ne le mettez pas dans un carton cassette vidéo parce qu'il croit que c'est des vidéos porno, ouais. Il l'ouvre, et puis quand il voit que c'est pas du porno, l'islam, frère. Donc, il m'avait dit ça, le gars. C'est pour ça qu'il m'avait dit, non, n'achetez pas nos boîtes à vidéo, là. Essayez de planquer ça autrement. C'est un paquet gâteau, quoi. Ouais, moi, c'est ce que je fais. Parce que de ce jour-là, moi, j'ai compris. J'ai compris que les types, tu peux pas faire confiance aux autorités françaises et aux institutions françaises ou aux entreprises d'État françaises, et même privées. Alors, les scènes Amazon filmées, genre, tu sais, les connards de livreurs Amazon maghrébins qui ouvrent les paquets comme des sagouins, il y en a qui se sont fait tricard comme ça, hein, je veux dire, c'est la fête à nana, quoi. Alors, tu peux toujours prendre des trucs, des assurances, genre, voilà, ma livraison, truc, mais bon, donc, voilà, c'est ça, Ou alors tu es obligé d'employer des compagnies privées qui sont plus sérieuses. Bah oui, forcément, exactement, c'est ça, c'est regardant con, hein. Sur le. Mais je vais dire, moi, tu vois, j'ai remarqué un truc c'est que voilà, quand tu commandes un truc qui est hors de France, et moi je pense, je sais pas moi, en général ça vient en Europe, ça vient souvent d'Allemagne. Tu vois, la poste allemande qui est, je crois qu'elle est complètement privée, enfin c'est des compagnies privées, il me semble. Hein. Bon, il faut à vérifier, mais tu vois le trajet, le colis, il part de Dortmund, il arrive en France, et là, bizarrement, le colis disparaît. Tu vois. Ah oui, non, mais je le sais, ça m'est arrivé, donc c'est ça le problème. Donc, et en plus, avec la France, c'est ça, c'est-à-dire que quand ça merde. Les mecs, ils regardent pas le truc en se disant on a complètement foiré le truc là. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'excuser auprès des personnes qui ont été lésées publiquement et on va changer le système. Non. En France, on va essayer de trouver un lampiste à accuser. Vous voyez, ça, c'est culturel. Alors, le problème, c'est que ça se télescope, cette culture de merde se télescope avec l'immigration de merde qu'on a. Parce que moi, je suis contre l'immigration en général, mais il faut quand même le dire. C'est que les Français ont vraiment choisi ce qui se fait de pire, quand même. Je veux dire, en termes. Ils ont vraiment opté pour le pire. Hein. Y a beaucoup de pays dans le monde, mais les Français, ils ont quand même choisi les endroits les plus nuls, tu vois. Et je vais vous donner un exemple, c'est au Japon. C'est-à-dire qu'au Japon, tu as un chef d'entreprise ou un responsable qui est pris la main dans le comme Darmanin, mais le mec, tu vois, il doit, mais publiquement, il doit lécher le tapis, le mec. Il doit s'humilier devant tout le monde. C'est pas possible autrement. C'est-à-dire, s'il veut espérer respirer le lendemain, quoi. C'est... Non, sinon ça va très très très oui. Très mal finir. Et en France, et ça c'est à cause du niveau d'exigence qui est zéro en France. Faut pas se poser de questions. Moi je vais vous dire un truc, parce qu'on dit souvent, il faut aussi regarder le truc et être cohérent avec ce que je dis justement. Faut pas trop regarder chez les autres pourquoi ça, parce qu'on dit c'est la faute des immigrés. Oui, forcément tu fais venir des sagouins du tiers monde, ça va mal se passer, c'est sûr. Mais quand ça déconne à ce point-là, plutôt que d'aller chercher de la faute à... Faut regarder quelles sont la part de responsabilité réelle des uns et des autres. Et moi, je vais vous dire, si ça se passe comme ça en France, c'est parce que les Français veulent que ça se passe comme ça. Ils n'ont en fait, le problème... aucun niveau d'exigence vis-à-vis de leurs dirigeants politiques. Aucun, vous m'entendez ? Aucun ! Et surtout qu'il n'y a plus de sens des responsabilités, parce que le truc, tu vois, c'est que normalement, quand t'es à ce poste-là, tu prends responsabilité. Bien sûr, t'assumes. C'est-à-dire que même si c'est pas toi qui l'a fait, tu vois, c'est comme à l'armée. Je veux dire, t'es le chef de ton régiment. S'il y en a un qui merde, tu prends la responsabilité. Ça veut dire que tu vas endosser. Sauf qu'ici, en fait, nos politiciens, ils ne veulent plus endosser. Je suis désolé, mais il y a même pas besoin d'aller au Japon. Je veux dire, tu vas chez nos voisins. Chez certains de nos voisins, les politiciens, bon, quand ils sont pris dans la main dans le sac comme ça, bah, ils finissent par... Ah oui, non, je te l'accorde, mais je disais le Japon parce qu'en plus, c'est codifié, si tu veux, tu dois oui. Publiquement... Truc... tu vois, ah, oui, oui. Voilà. Mais t'as raison, je veux dire, aux Pays-Bas, en Scandinavie, machin, enfin, les mecs sont dégagés. Même en Espagne, etc. Ouais. Oui, ouais, c'est ça, mais il n'y a que en France, les mecs, ils sont irresponsables dans le sens... c'est pas que dans le sens, ils sont stupides, ils sont immoraux, c'est qu'ils sont irresponsables, c'est que les types, ils se disent... Ah non, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui l'ai fait. Alors ouais, que ouais. T'es le chef, t'assumes, tu vois, je veux dire, c'est un truc bah, de base. C'est mes 40, quoi, c'est ça, c'est, ouais, mais merde, ça a déconné, mais c'est pas de notre faute, tu vois, c'est ça, quoi, je veux dire. En plus, ça, ce qui aide pas trop, c'est que Darmanin, il est quand même à moitié, pas moitié, mais il est en grande partie bougnoul, donc... Un quart algérien, Voilà. Oh, bah, un quart juif. Donc, deux équipes qui contribuent pas franchement à la victoire de la France collectivement. Et surtout, ça explique pourquoi est-ce qu'ils m'ont. Mais t'as raison. Ça, c'est vrai. Ça, c'est clair. Ce type, il est d'une nullité. C'est-à-dire que le type, il fait deux interventions et il ment de manière. Oui, en plus, il ment mal. En plus, tu dirais le mec, tu vois, il ment, mais avec talent. Non, mais en plus, c'est nul, quoi. C'est à chier. C'est-à-dire, ton excuse est nulle. Tout le monde le voit. C'est devant toute l'Europe, pour pas parler du reste du monde, c'est calamiteux, tu aggraves ton cas, alors qu'en fait, tu veux couper court, bah, tu te présentes le lundi matin, tu commences, je présente mes excuses pour le fiasco d'hier soir, et j'en assume la totale responsabilité. Comme dit l'adage, faute avouée, faute à moitié pardonnée. Et c'est totalement vrai. Les gens disent, bon... Pas pour le révisionnisme. Pas pour le révisionnisme. Non, là, c'est pas du tout pardonné. Je suis d'accord. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'honnêteté de dire, voilà, ça a merdé, c'est de ma faute, je suis responsable, je vais pas chercher à me défausser. Ça. Mais non, tous ces gars qui viennent de ces partis politiques en France, républicains depuis 80 ans ou plus, parce que, étendons à la Troisième République depuis 150 ans, les mecs se défaussent, c'est pas de ma faute, c'est pas le truc, tu comprends. Puis les mecs, ils se disent, mais c'est pas grave, de toute façon, il y aura une autre embrouille la semaine prochaine, les gens auront déjà oublié, passeront à autre chose. Et comme il n'y a pas de niveau d'exigence en France de la part de la population, parce qu'ils ont beau vaguement gueuler sur les réseaux sociaux, moi ça me fait marrer. Ils les remettent au pouvoir aux élections, donc ils s'en foutent, hein, donc faut arrêter. Donc quand tu vois les mecs, Darmanin quand même c'est un tocard. Non, le vrai tocard c'est toi, tu l'as remis au pouvoir cette espèce de d'incapable. Donc arrête de dire que c'est de la faute à Darmanin s'il est nul. Oui, il est nul, mais il ne serait pas nuisible si toi tu l'avais pas reconduit dans ses fonctions en revotant pour Macron. Donc s'il te plaît, arrête de me tanner les oreilles. Et les Français sont incapables de cet exercice élémentaire d'autocritique. Ils ne le peuvent pas. Donc ils reconduisent des nuls. Et je vais te dire un truc, tu sais pourquoi ils font ça? Parce que les Français, ils se disent secrètement, à titre personnel, ils disent « Putain, si j'étais à sa place, je ferais comme lui. » C'est exactement cette culture-là qui prévaut en France. C'est que tout le monde a envie de se défausser sur le voisin, tout le monde. C'est vrai, du mec qui balaye la rue jusqu'au président de la République. Dans ce pays, t'as aucun mec qui veut assumer ses responsabilités, c'est-à-dire d'être un homme et de dire, voilà, j'ai pris cette décision et je l'assume. Et j'ai vu des connards, notamment un journaliste, là, j'ai oublié son nom, c'est un centriste, peu importe. Le mec, il dit, quand même, Macron, il a du cran. Parce qu'en privé, il a avoiné Darmanin. Mais en public, il le soutient. Mais c'est tout le problème. Il n'a pas à soutenir un incapable pareil. Il doit le foutre dehors le lendemain matin à la première heure. C'est ce que tu ferais dans une boîte privée, où tu dois rendre des comptes devant tes actionnaires et tes clients. Tu le dégages, le mec. Non, pas en France. Et t'as des connards de commentateurs de la presse subventionnée, ce qui est redondant parce que toute la presse est subventionnée, pour dire, voilà, Macron, voilà. Oh. Putain, il a du cran, hein, le mec. Hein. Il monte au créneau pour défendre ses ministres. Non, non, il défend pas ses ministres. Non, non, non, non. Il essaye de couvrir la saloperie. Et ils sont tous comme ça. Je me demande s'il n'y a pas, s'il y a pas un truc. Parce que Darmanin, pour qu'il soit là comme ça, je me demande s'il n'y a pas Anguille Souroche derrière cette histoire de Darmanin. Si Madame Anna a pas quelque chose à l'intérieur, il a forcément des regards sur des fichiers de police. Donc, c'est ça. Donc, et en plus, ça, ces gens-là qui ne sont pas capables d'assumer, d'endosser, ils ne supportent pas quand en face d'eux, il y a des gens qui endossent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils les frappent trois fois plus. Je veux dire, alors qu'ils devraient dire, ah, c'est bien, toi tu endosses au moins, moi j'ai pas le courage. Ah, pas du tout. Alors là, ils ne supportent pas qu'on leur renvoie leur image de faiblesse. C'est très juste. Hein. Ah oui, moi j'ai vécu ça au tribunal à Coutances. L'avocat de la LICRA qui me fait, mais pourquoi vous faites du révisionnisme? Moi je réponds, pour réhabiliter le national-socialisme dans ce cas-là de réhabilitable. Ah bah ça a été insupportable. J'ai eu 2 ans de prison ferme. Parce que ce mec, il endosse. Ce mec, c'est insupportable pour nous. Parce que nous, on n'endosse jamais. C'est jamais notre faute. C'est toujours la faute des autres, comme vous disiez très bien. Oui, exactement. Alors, évidemment, l'autre dimension, c'est la dimension raciale. C'est-à-dire que le fiasco n'aurait pas eu lieu si, en premier lieu, pardonnez-moi de la redondance, il n'y avait pas eu cette faune aux aguets, ayant soigneusement préparé son coup. Alors, à souligner que Macron, le sinistre, voulait, comme une hyène, se repaître des malheurs de la Russie. Donc, ça a été précisé, hein, la Russie organisait la finale de la Coupe des Champions à Saint-Pétersbourg, et Macron, profitant de la situation géopolitique, voulait se faire reluire à peu de frais en accueillant à Paris, au Stade de France, la finale de la Ligue des Champions. Bien. Donc, l'occasion faisant le larron, comme dit le proverbe. Et ça a tourné en désastre, c'est rien de le dire. Et là, donc, Macron récupère, pensant se faire reluire à l'étranger, et ça se convertit exactement en situation inverse, et à mon avis, les Russes ont dû, en privé, se frapper les cuisses, hein, et plutôt deux fois qu'une, en regardant, après avoir été dépouillé de cette finale, en regardant Macron, l'opportuniste, prendre la douche écossaise. Hein, ça a dû leur faire. Bon, ils ont dû s'en amuser, et à raison. Et pour une raison évidente, c'est qu'il y a toute la faune de la Seine-Saint-Denis. Alors, il y a eu deux types de faune, nous avons expliqué plus ou moins ouvertement, parce que même ça, les médias français, vous avez vu, hein, j'ai lu 20 minutes, 20 minutes n'en parle pas. On nous dit, oui, non, c'est pas vrai, les 40 000 billets, c'est sûr. La grève, c'est pas vrai, mais à aucun moment, 20 minutes, on dit, non, mais en fait, ce sont des gens d'origine immigrée, d'Afrique du Nord, principalement, qui pillent des Européens. Jamais. Ils nous disent mais pas. Non, ils sont français. Ils ah, voilà, français. Pas un mot. Donc, 20 minutes, l'exercice de vérité de débunkage, hein, où ça s'arrête très très vite quand on rentre dans la question raciale. Alors, oula, tout d'un coup, là, bizarrement, on ne s'intéresse plutôt au profil des principaux responsables. C'est-à-dire qu'ils s'attardent lourdement en raison sur Darmanin, mais les principaux responsables, c'est-à-dire ceux qui ont commis les méfaits, pas de profil, pas de nom, pas de truc, on sait rien, hein, on sait rien, pas de nationalité, on sait rien. D'ailleurs, Darmanin interrogé au Sénat, quand on lui demande, mais c'est Valérie Boyer d'ailleurs qui pose la question, mais c'est qui exactement là, ceux qui ont... Non, c'est nauséabond de poser la question. Cher Vincent, tu connais ce terme, hein, voilà, c'est nauséabond, sous-entendu, vous savez où ça a mené ce type de question. Donc en fait, quand des Arabes, des Trousses, des Anglais aux abords du Stade de France, quelque part, si tu poses la question du pourquoi, du comment, ça va nous amener à Auschwitz. Hein. C'était ni plus ni moins que l'argument de Darmanin au Sénat. Hein. C'est exactement ce qu'il a dit. Hein. Pour celui qui sait décrypter, c'est ce qu'il a dit. Alors du coup, bon, bah, on a ça. Alors on nous dit, donc, les locaux, pardonnez-moi, les locaux, qui ne sont pas des locaux, mais les locaux du 93. Et puis, on nous a dit aussi des migrants, mais vraiment, qui viennent d'arriver et qui sont sans domicile fixe, etc. Enfin, qui sont en train d'errer, des bandes errantes, en fait, de migrants d'Afrique du Nord. Donc, à distinguer relativement hein, de nos Arabes, de nos Maghrébins, du cru établi en France, vivant un HLM, etc. Donc, on nous prie de distinguer les deux, apparemment. Les migrants qui zoneraient sur des zones de deal, etc. Enfin, des mecs qui se défoncent en plein air, en fait, et qui ont nulle part où aller. Voilà, bref. Mais j'ai bien aimé le terme de radia, et ce qui m'a étonné, c'est que j'ai pas vu l'extrême gauche intersectionnelle, les wokistes, dénoncer l'utilisation du terme en disant « Mon Dieu, c'est l'imaginaire colonial qui revient. » Putain, Rocaille à Diallo, je l'attendais là-dessus, c'est bizarre, elle a pas réagi. Peut-être qu'elle l'a fait, mais j'ai pas vu. En disant « Ah, la radiable, c'est un terme, on va accuser... oui, ça, c'est l'imaginaire des petits blancs sur fond de guerre contre l'islam, avec les barbares, c'est bizarre qu'ils soient... » Mais c'est exactement ça. C'est les radias. Sauf que l'Algérie, elle n'est pas au large de nos côtes, hein. elle est en Seine-Saint-Denis, quoi. Donc forcément, on a des barbaresques. On a des barbaresques, mais en Seine-Saint-Denis, aux abords du Stade de France. c'est ça, quoi. Bon, on a oublié d'en rire, j'ai dit au bout d'un moment, parce que sinon... mais bon, voilà, quoi. C'est ça. On a les barbaresques chez nous, Et tout se passe bien. Tout se passe bien. Quelqu'un d'autre là-dessus, Vincent, peut-être quelque chose d'autre ou pas? Ben, moi, je voulais juste un peu élargir, mais sans être trop long. Hein. Le sujet, c'est que finalement, quand on voit, notamment en Angleterre, on a vu pas mal d'images, on voit ces bandes, en effet, ces bandes issues de l'immigration, qui pénètrent dans le stade de force, qui après injurient les gens, qui les détroussent, etc. Ce qui m'apparaît toujours, c'est le sentiment d'impunité de ces gens-là, ces jeunes, qui forcent les barrières, qui rentrent, qui arrivent dans le stade, etc. Et ce sentiment d'impunité, moi, il ne m'étonne pas, pour avoir été en prison, pour les avoir vus de très très près, pour les avoir côtoyés, pour les avoir entendus parler, ça ne m'étonne absolument pas. Parce que d'abord, il y a, puisqu'on parle souvent de l'impuissance de la justice, notamment face aux clandestins, parce que parmi les pickpockets, il y a beaucoup de clandestins qui n'ont pas de papier, qui n'ont rien. Donc même quand la police les prend, on ne sait pas de quel pays ils sont, on ne sait pas s'ils sont majeurs, mineurs, c'est très très compliqué. Puis après, il y a tous les avocats, les défenseurs de la diversité qui arrivent, qui sont là. Donc c'est très très dur. Hein, moi j'entendais des flics dire, de toute façon on les arrête, 10 heures après ils sont en liberté. Oui, ça donne plus envie, hein. C'est vrai que même après, si en effet ils préfèrent taper les blancs, ça j'avoue, hein. Mais il y a ça. Et puis, alors on parle aussi du laxisme de la justice face à ces gens-là. Alors c'est vrai, mais pas tout le temps. Des fois, la justice elle frappe. Mais le problème, c'est que sous nos latitudes, la prison, mais pour ces gens-là, pour ces jeunes, c'est pas une peine. C'est juste un autre aspect de leur vie. Et je les ai vus, moi. Je les ai vus. Parce que j'ai eu la chance d'être dans la prison de Valenciennes, après. Et à Valenciennes, c'était une prison familiale. C'était de la petite racaille que vous avez vue aux alentours du Stade de France. C'était ces gens-là qui étaient là. Eh bien, moi, je les ai vus. Et il y avait des gardiens, d'ailleurs, qui me disaient, tu sais, il y en a, c'est leur deuxième maison, ici. Puis leur co-détenu, c'est leur famille. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande philosophie dans les prisons, c'est la philosophie des droits de l'homme, etc. C'est votre peine, c'est une privation de liberté, mais pas de privation de votre dignité. Donc dans la prison, on doit absolument conserver votre dignité. On doit juste vous priver de liberté, mais dans la prison, vous devez avoir le maximum, si vous voulez, en dehors de ça. Donc, télé dans les cellules, télé gratuite pour ceux qui n'ont pas d'argent, hein, naturellement. Pour les drogués, Subutex. Donc ces gens-là, ben, qu'est-ce qu'ils sont? Ben, quand ils sont en cellule, ben, ils sont vautrés sur leur lit toute la journée dans leur vapeur de Subutex et en train de regarder la télé. Quand j'étais à Valenciennes, on est passé, je crois, du genre de 10 chaînes à 50 chaînes, parce qu'ils ont mis la TNT, vous savez. Ouais. Je me rappelle, pendant un jour, ils ont dit « Ah, vous n'aurez pas de télévision, les gars, mais rassurez-vous, ce soir, vous aurez 50 chaînes. » Donc c'était ça, sans compter que il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, dans les prisons, vous n'êtes pas obligé de travailler, vous n'êtes pas obligé d'aller en cours, si vous ne savez pas lire ni écrire, vous n'êtes même pas obligé de vous laver. On ne peut rien vous forcer, rien du tout. Et moi, à un moment, on m'a transféré dans une cellule parce que je devais être seul en tant que délit de presse. Eh bien, mais le mec d'avant, c'était un espèce de clandestin, on savait pas quel pays il était, il m'avait raconté ça, les gardiens. Eh bien, une fois qu'il est parti, alors je sais pas où il a été finalement, hein, puisqu'on savait pas qui il était, on savait rien de lui. Eh bien, ils m'ont dit, ah bon, ben, voilà, sa cellule est libérée, elle est au bout, là, tu vas y aller. Ah, j'ai dit, bon, c'est bon, je prépare mes affaires, là, mon partage. Non, attention, il est carrément crade. Il se lavait pas depuis un an, le mec, ils ont été obligés de la refaire de fond en comble et de la repeindre. Donc moi, je suis arrivé dans une cellule neuve. Mais parce qu'elle était, ils m'ont dit, attends, ça sent la merde, pardonnez-moi, hein. C'est horrible, cette cellule. Mais ils pouvaient pas le forcer à se laver. Donc ces mecs-là, ils sont en prison, pour peu qu'ils aient des mandats d'argent, parce qu'ils ont des potes qui leur envoient, etc. Ils se payent ce qu'ils veulent. Il y en avait, moi je voyais, leur cellule, c'était, remplie d'habits, de machins, de bidules. Ils étaient comme des rois, hein, faut dire ce qu'il est. Je veux dire, ils avaient console de jeu. Moi, j'étais tout à fait estomaqué. Donc, c'était incroyable. Je me souviens, le repas de Noël, moi, j'avais le repas de base. Hein, j'achetais aucune nourriture de plus. Il était tellement copieux qu'il a été emporté en deux fois. Apporté en deux fois dans les cellules. D'abord l'entrée de pain de résistance, ensuite fromage dessert, tellement que c'était copieux. Moi, je regardais ce repas, je dis, putain, il n'y a sûrement pas les deux tiers de l'humanité qui ont mon repas. Et pourtant, je suis en taux, là. C'est incroyable. C'était la folie. Et je pourrais vous dire, c'était un super repas, hein. Encore une fois, il y avait tout, hein. Il y avait même deux desserts. Il y avait bûche glacée et bonhomme en pain d'épices. Il y a beaucoup d'enfants du tiers-monde qui auraient voulu avoir même un seul sur les deux. Hein. Bon, donc, pour ces mecs-là, la prison, ouais, je me rappelle très bien que j'étais un jour dans un bus de police, parce que j'en ai fait, hein, des heures de garde à vue dans les cellules, dans les bus de police, menottés, j'en ai fait, moi, hein. J'en ai vu des gens. Hein. Et il y avait un mec, il piquait des écrans chez Century 21. Il s'est fait piquer, quoi. Et je lui dis, alors tu vas aller en tôle. Il me dit, oh, mais c'est pas grave. Maintenant, mes potes, ils vont m'envoyer des mandats, et puis tu sais, après, quand c'est eux qui sont en tôle, c'est moi qui suis dehors, on s'arrange toujours. Le mec, il allait affleurer mes registres, mais comme moi, j'aurais été chez mon boulanger, quoi. J'étais estomaqué. Ah oui, moi, j'ai vu des choses, je pourrais en raconter. D'ailleurs, le soir, on est arrivés tous dans une cellule avant d'être ventilés dans nos cellules respectives. Bon, alors, les gars, on sépare nos cigarettes, parce qu'il faut qu'il y ait personne qui n'ait pas de cigarette ce soir. Hop, les cigarettes en commun. Mais tout ça, c'était naturel, banal. Je veux dire, c'était des mecs, la prison, c'était leur deuxième vie. Parce qu'ils n'ont rien à craindre, sans compter qu'il y a la drogue. En prison, il y a la drogue, qui arrive tous les dimanches par les missiles, comme on appelle. Hein. Les missiles, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant du monde carcéral, c'est tout simplement leurs potes qui sont encore en liberté, ils bourrent de drogue des balles de tennis, ils les rescotchent bien, et hop, ils les balancent au-dessus du mur de la prison. Donc, ce qui fait que les missiles arrivent dans la cour. Et ça, c'est les missiles du dimanche. Et donc après, les mecs, ils ont leur drogue. Alors, naturellement, normalement, le règlement fait que si tu ramasses un missile, tu as par exemple 15 jours de trou. Alors je me dis, mais enfin, pourquoi il y a des mecs qui ramassent les missiles, les gars là? Parce que moi, je connaissais rien, j'ai appris tout ça sur le tas, par des travaux pratiques. Et donc, ils me disaient, bah ouais, tu vois, ça, c'est des crevards, ils n'ont pas de sous. Donc, ils ramassent les missiles, ils se prennent 15 jours de trou. Mais en échange, les caïds vont leur donner un petit peu de la drogue, du tabac, etc. Donc il y avait tout un monde d'organisation qui fait que, eh ben, le dimanche était l'arrivée de la drogue. Alors il y avait même des fois, il y avait plus que de la drogue. Si c'était des trucs plus molletonnés, ça pouvait être un téléphone, enfin une puce, enfin des trucs par ça. Incroyable. Et alors un jour, j'avais dit à la responsable de détention, mais c'était une femme, j'avais dit, mais madame, il y a la drogue qui arrive dans la prison. Je les vois. Et elle m'avait répondu, mais écoutez, si on en laissait pas rentrer un minimum, ce serait infâme. On est obligé. Ouais, donc ces mecs pour anesthésier la viande, en fait. Hein, tout voilà, exactement. Donc on anesthésie les plus pauvres avec du Subutex, qui en général, d'ailleurs, ils me racontaient que certains, quand on leur donne les comprimés de Subutex, ils les pilent, ils les rendent en poussière, ils les sniffent. Pour faire comme si c'était de la coke, comme ça, elle me racontait, il y en a comme ça, ils ne changent pas leurs habitudes. Ah non, mais j'ai vu des choses, c'était extraordinaire, moi, mon passage en prison, ça m'a appris des tas de trucs, c'était fou. Et donc, ces mecs-là, ils étaient chez eux, ah ben oui, je suis condamné à 6 mois de tôle, ouais, bah, c'est bon, dans 6 mois, je ressors, et puis c'est bon, et puis c'est mes potes qui viennent à la place. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire face à ces gens-là, ils sont en bande. Ils ont un sentiment d'impunité, mais total, et je les ai vus, je les comprends, sans approuver, naturellement. Mais quand j'ai vu tous ces spectacles, je me suis dit, ah bah oui. Et d'ailleurs, il y avait des gardiens qui me disaient, oh bah la prison, ça sert à rien, ces mecs, ils vont sortir, ils ont rien appris en prison, ils ont rien fait. Ça sert à que dalle. Et j'avais même un jeune de 18 ans qui est arrivé un jour, avant il était dans une prison pour adolescents. Donc pour moins de 18 ans. Il était gentil d'ailleurs, ce gars, d'ailleurs, il est beaucoup tout gentil. Enfin, quand ils n'étaient pas en bande, ça allait, hein. Moi je discutais avec eux. Il m'a raconté, il me disait, ah, ça m'embête d'avoir eu 18 ans, parce qu'avant, là, dans la prison pour jeunes, on pouvait faire du sport, on avait la télé automatique, les consoles de jeux automatiques, ah, ça m'embête, là, c'est plus difficile, etc. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Quand on a été en prison et qu'on a vu comment ça se passe, on comprend tout. On comprend tout ce système, pourquoi ces gens-là, pour eux, bénéficient d'une impunité totale. Voilà ce que j'avais à dire à propos de quand j'ai vu ces bandes. Ah, je dis oui, c'est ceux que je connaissais à Valenciennes, je les reconnais, c'est les mêmes. Ouais, bien sûr. Bah oui, et puis en plus, il y a la question du nombre aussi. C'est-à-dire que maintenant, il y a 55 000 places officiellement en France, ou 57 000. Il y a 70 000 détenus. Alors, il y a, on vide, on remplit. Bon, tout ça, c'est du cinéma. C'était le même sous Taubira, Dupond-Moretti, Urvoise. C'est toujours la même chose. Il y a jamais rien de nouveau, parce que c'est des données tout simplement mathématiques. Il y a 55 000 places, bah c'est 55 000 places, hein. C'est pas 100 000, c'est pas 300 000, hein, forcément. Et si en plus on y ajoute le traitement dont il bénéficie, que tu as décrit mieux que je ne pourrais, il n'y a rien de dissuasif là-dedans, évidemment. Et arrive là-dessus, c'est les chiffres les plus officiels, hein, 400 000, 500 000, on va dire 400 000 fourchette basse, 400 000 nouveaux venus par an en France, c'est des chiffres absolument énormes. C'est l'agglomération nantaise chaque année, qui vient du tiers-monde avec des codes culturels complètement différents, aucun métier en main, des représentations qui sont celles d'un monde ou deux mondes qui nous sont totalement inaccessibles, et qui arrivent comme ça au milieu de la France, un vieux pays qui patiemment, avec difficulté à travers les épreuves, essayé de se façonner quand même. Je veux dire, une paix intérieure difficilement acquise, encore aujourd'hui d'ailleurs, enfin jusqu'à une date récente, encore aujourd'hui, pardonnez-moi l'expression, mais qui est complètement remise en cause, parce que là on a des gens qui viennent au départ d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, de l'Afrique noire francophone, mais aujourd'hui beaucoup d'Afrique de l'Est, de plus en plus, Somaliens, érythréens, des gens comme ça, Afrique anglophone, ancienne Afrique anglophone en partie, mais de beaucoup plus loin aussi, Afghanistan, Iran, Pakistan, et même au-delà, des gens d'autres contrées encore, Asie centrale, etc. Ce qui fait que c'est toute cette immense vague d'immigration ne peut plus être prise d'aucun bout. L'appareil, c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que l'appareil répressif et carcéral a été conçu au XIXe siècle pour une France qui compte à peu près 40 millions d'habitants, entre 30 et 40 millions d'habitants, et pour de la voyoucratie européenne, donc qui avait des codes d'ailleurs, c'est-à-dire des braqueurs de banques, des voyous, mais qui savaient ne pas attaquer la veuve et l'orphelin. Donc on a... J'en ai rencontré, moi, des gens comme ça, des gens très honorables. Je vais choquer, peut-être, en disant ça. Et d'ailleurs, il y en avait un qui m'avait dit, en montrant tous les Maghrébins, « Ça, faudrait les abattre à la mitraillette. » Oui, ah, bah, tu sais, moi, j'ai connu... Petite parenthèse là-dessus, c'est que moi, j'ai connu, justement... dans ma famille, il y avait quelqu'un qui était... Il y a plusieurs personnes qui travaillent dans la pénitentiaire. Et ils m'ont dit que clairement il y a une distinction, et notamment chez les criminels européens et les maghrébins, parce que ils ont pas du tout les mêmes codes. Les Italiens, ils respectent la famille, les Russes c'est pareil, etc. Par contre, le maghrébin, lui, il s'en fout. C'est pas des catégories qui existent dans leur tête. Donc, si vous voulez, on a un appareil qui n'est plus du tout pensé pour les populations concernées. Donc, il n'y a pas le critère racial, ethnoculturel et religieux qui est intégré, évidemment. Aveuglement issu de 89, enfin de la grande mystique démocratique, les droits de l'homme, etc. Donc, on s'aveugle volontairement, hein, voilà, sauf pour les fascistes. Alors là, tout d'un coup, la justice française retrouve une vigueur, une énergie, une franchise, une sincérité dans l'envie de réprimer qu'elle ne se connaît pas quand il s'agit des autres populations. Quoi. Alors là, tout d'un coup, il y a des accents répressifs, mais vraiment sincères, quoi, je veux dire. Là, ils veulent en découdre, quoi. Ça, c'est fascinant, avec les magistrats, etc. Alors là, tout d'un coup, on les sent dire, ah, c'est bien dommage qu'on puisse pas pousser les murs. Hein. Vous voyez, c'est ça qui est fascinant. Mais ça, moi, de mon expérience, en tout cas, c'est ce que j'avais retiré. Peut-être d'autres aussi. Mais en tout cas, donc en fait, la répression ne fonctionnera jamais. On pourra changer le ministre, on pourra donc, bon, ça ne servira à rien. Les vagues étant de plus en plus massives, bon, ça s'aggrave. Et les Français, en fait, dans une certaine forme de lâcheté, le comprenant, décident d'utiliser de nouvelles stratégies. La stratégie principale consistant tout simplement à partir, à déménager, à fuir. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, les gens désertent les zones où se trouve la diversité. C'est ça le grand aveu, en fait. C'est que derrière les sermons, l'hypocrisie générale, c'est qu'au fond, tout le monde sait exactement à quoi s'en tenir, y compris les gens de gauche. Hein, les bourgeois de gauche, les bons bourgeois de blancs de gauche qui votent, même pour Mélenchon, ils savent exactement à quoi s'en tenir et ils agissent en conséquence. C'est-à-dire que c'est la blague de la carte scolaire. C'est-à-dire qu'ils foutent leurs gamins où il n'y a que des blancs, ils fuient les quartiers où il y a des halogènes partout, tout en prêchant évidemment la diversité pour les autres, pour les autres, pour les autres. Voilà. Bon, un grand classique de la société française, mais tout aussi classique qu'il soit, qui est finalement assez peu dénoncé, et marginalement. Donc on a les mêmes pans sectaires qui viennent dégoiser leurs conneries à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, en nous sommant d'accepter la diversité. Diversité dont ils se privent de goûter les fruits, hein. Ça va sans dire. Alors, bon, on a fait le tour, je crois, pour l'affaire du Stade de France. Affaire à suivre, je ne sais pas, les JO de 2024, peut-être. Ça promet. Je pense aussi que ça promet, là, franchement. Mais c'est une bonne chose. Parce oui, qu'il faut, c'est bien, comme ça, c'est bien, ça montre aux autres qu'est-ce qui se passe quand on laisse une horde d'émigrés débarquer et qu'est-ce qui se passe quand on laisse des politiciens débiles aller trop loin dans la connerie. Je pense que c'est un très bon exemple de ce qu'il ne faut jamais faire et en ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Je rappelle hein, que pour les Jeux Olympiques du Brésil, à Rio, ils ont envoyé, vous savez, leur troupe de choc, là. J'ai oublié le nom de ces troupes de choc. Comment s'appelle-t-elle J'ai oublié. Ouais, c'est des fondus. Hein. Les mecs, ils sont vraiment allumés. Hein. Bah, parce qu'en même temps, la criminalité là-bas, ah c'est quelque chose. C'est ça. C'est-à-dire que les autres sont surarmés, ils sont camés à bloc. Enfin, et puis surtout là-bas, l'espérance de vie dans les favelas, c'est soit elle est basse, quoi. Je veux dire, puis ils font des gosses partout. Enfin, la vie vaut rien. C'est ça. C'est dans ces endroits-là, la vie ne vaut rien. Donc ces gamins-là, donc ils sont racialement, c'est le chaos racial, quoi. Hein, ils sont mélangés de tout. Sang d'Amérindiens, Amérindiens très très violents, contrairement à une des reçues, parce qu'on a l'image des Amérindiens, vous savez, en harmonie avec la nature. Ouais, non, les Amérindiens, c'est très très sanglant, c'est très très sanglant. Oui, bah, il faut voir le film Apocalypse Now. Apocalypse, ouais. Apocalypse. To, voilà. Apocalypse Now, c'est autre chose. Mais c'est une idée. Hein. Moi, j'ai discuté avec des militantes, une militante nationaliste brésilienne. C'était une métisse, pas de noir, hein, métisse européenne amérindienne. Alors eux, c'était des méchants. Hein. Je vous assure qu'en Europe, on a perdu quelques réflexes. Hein. Oui, bah, c'est pareil. J'ai on a un camarade, il est descendant de mélange entre de l'amérindien et du blanc, et il nous l'a dit clairement. Franchement, les gars, heureusement que les Espagnols sont venus nous coloniser, parce que sinon, on aurait continué à se bouffer le cœur. La fille, elle disait, je ne comprends pas, je ne vais pas tout citer, mais elle dit, je ne comprends pas comment ça se fait qu'en Europe, vous ne... je vous passe les détails. Alors, elle venait d'un groupe trotskiste radical, attiré en fait par le caractère extrêmement violent du groupe. Elle avait basculé dans l'intégralisme brésilien, dans un groupe extrêmement radical nationaliste brésilien. Donc c'est particulier, hein, c'est le monde brésilien. Hein. Donc ce sont des ultra-nationalistes brésiliens. Le fait racial existe, tout le monde en est conscient au Brésil, mais c'est simplement un paramètre. Ce n'est pas que le... c'est pas, si vous voulez, le principal fait organisationnel des mouvements. Mais tout le monde sait exactement que la race joue un rôle absolument majeur. Et les métis sont les premiers à vous le dire. Mais pour en revenir à Rio, c'est-à-dire qu'à Rio, quand ils ont voulu faire leurs Jeux Olympiques, bah c'est simple, le gouvernement central, sous Lula... C'est ce que je veux dire, c'était sous Lula, c'était de gauche. Hein. C'était la gauche la plus ouverte. ils ont envoyé les paramilitaires, enfin non, c'était les unités d'élite de la police, enfin on est quand même pas loin des unités paramilitaires, cartonner tout ce qui pouvait porter un flingue dans Rio, et ils en ont tué je sais pas combien. C'était la chasse aux bâtonnets, ok, c'était la chasse aux bâtonnets, sous Lula. Donc faut pas se mentir, même les mecs de la gauche organisée sud-américaine, ils savent tout ça, ils le savent. Donc quand vous voyez des connards, des crétins comme Mélenchon, naïvement, tous ces cubénis de la gauche, aller se prosterner aux pieds de tous ces mecs, les mecs sont infiniment plus malins en Amérique du Sud, ils connaissent très très bien toutes ces questions-là. Je veux dire, Lula, il sait très bien ce que c'est un nègre. Hein, ok, voilà, et quand il faut les souquer de temps en temps, croyez-moi bien, qu'il leur fout un coup de collier, il l'a prouvé pour les Jeux Olympiques. Derrière ces logements flambant neufs se cache une des faces sombres des JO de Rio. Luis da Silva habite Villa Autodromo, une favela où vivaient près de 600 personnes. La plupart ont été forcés de partir, leurs logements ont été détruits pour les besoins en infrastructure des Jeux. Luis regrette amèrement son ancien quartier. Moins de 10% de la communauté locale est restée, dit-il. Ça a été un déplacement forcé dramatique. Une vingtaine de familles, dont celle de Luis, a tenté de résister aux pressions financières et autres menaces. En vain, à la place de son ancien logement, un immense parking a vu le jour près du parc olympique. Les athlètes viennent pour remporter des médailles, dit-il, mais ils ne savent pas que des familles souffrent. C'est pourquoi on veut leur faire savoir. On a été frappés et menacés. Donc, nous estamos vendo se conseguimos mobilizar alguns atletas. Ceux qui, comme lui, ont résisté ont été relogés dans le même secteur, mais le quartier a été entièrement rasé. Au total, les Jeux de Rio ont coûté leur logement à quelque 70 000 personnes. Ils en ont buté un paquet. Voilà. Alors, les Jeux Olympiques sur bord de Seine, ça ne sera pas pareil. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas les favelas de Rio, je vous l'accorde, avec toutes les armes qui sont, c'est vrai. Mais quand même, ça risque d'être sportif. C'est le cas de le dire. Ça risque d'être sportif. Alors, je pense qu'ils vont peut-être... Ah. Vas-y, Vincent. Non, j'ai déjà trop parlé. Il y a des Britanniques, d'ailleurs, qui l'ont dit. Qui ont dit, on va laisser la France faire les Jeux Olympiques avec ça, après ce qui s'est passé, là. Ah, c'est dans deux ans. Dans deux ans, il peut s'en passer des choses. Hein. Il peut s'en passer des choses. Bah, connaissant la France, pas pour le meilleur. Alors, je pense qu'ils vont déployer énormément de mecs. Oui, il y aura des flics partout, ils vont faire des périmètres et tout. C'est sûr que sur les sites sportifs en tant que tels, il n'y aura pas d'incident. Mais par contre... Là où les touristes vont être logés, moi je sais pas, hein, je veux dire, ça risque d'être un peu moche hein, quand même. Hein. Alors, tout à fait. Donc, qu'est-ce que vont faire les autorités françaises? Bon, on sait, faux suspense, ils vont envoyer des représentants de leurs représentants, qui politique, qui associatif, qui des renseignements, etc., avec des valises de cash. Avec des promesses de libération anticipée pour le cousin, la sœur ou que sais-je, des associations subventionnées, etc. C'est comme ça que ça va se passer. On va dire, les gars, là, pendant 15 jours, il faut se tenir tranquille, on est de bonne composition. C'est comme ça que ça va se régler. C'est comme ça que ça va se régler. Parce que Macron, il a le feu au cul et il va vouloir donner le champ. Ça, c'est s'il y a des Jeux Olympiques, mais c'est pas impossible qu'on ait une guerre mondiale d'ici là, donc à voir, hein, sous toute réserve. Alors, dernière partie de cette émission, discussion libre sur un thème qui avait été annoncé, c'est Oradour-sur-Glane, sur fond donc de commémoration annuelle du débarquement de Normandie. Alors, 6 juin 1944, les troupes alliées, en l'occurrence canadiennes, britanniques, américaines, plus quelques autres nationalités représentées, débarquent en Normandie, et on nous présente évidemment cela comme étant la libération, le début de la libération de la France et de l'Europe. Et un des éléments qui accompagne cette libération, dans ma bouche entre guillemets, c'est ce qui s'est déroulé à Oradour-sur-Glane, donc qualifié donc de crime de guerre, où une unité Waffen-SS de la division Das Reich, avec certains d'ailleurs volontaires alsaciens, sera accusée d'avoir assassiné des centaines de civils sciemment, dont des femmes et des enfants qui seront brûlés vifs, d'après la version officielle, dans l'église du village, comble donc de l'horreur, frappant de stupéfaction la France en voie de libération. Ce drame d'Oradour sera par la suite intégré dans tout le grand récit de la lutte contre la barbarie nazie. Alors, Vincent Reynoir a travaillé extensivement sur ce sujet depuis 30 ans. Il le connaît, il a été sur place, il a interrogé aussi des personnes qui ont, vécu là-bas, qui lui ont fait des confidences. Et au fil des années, il a accumulé un certain nombre d'informations qui n'ont jamais été communiquées comme il se devrait au grand public. Et récemment, il a tenu à rééditer un livre qui est en attente de diffusion parce qu'il y a des problèmes de diffusion dus à la censure, hein, n'empêche les versions alternatives d'être diffusées et aux historiens non conformistes de faire leur travail, c'est le cas de Vincent. Mais il a fait un travail qu'il a exposé dans un documentaire où il apporte toute une série de choses qui ont été récemment dévoilées, finalement, après des décennies et des décennies de mensonges, de dissimulations, soit par omission, soit par déformation volontaire. Alors, donc, dans cette... On est à quelques jours des commémorations d'Oradour-sur-Glane, le 10 juin. Le 6 juin, c'est les commémorations du débarquement en Normandie, que De Gaulle, d'ailleurs, qualifiait d'affaires anglo-saxonnes, refusant lui-même d'y participer, ce qu'on oublie. Serait-il révisionniste déjà avant l'heure? Je donne la parole maintenant à Vincent, qui va nous dire, il a préparé un petit propos, mais qui va nous dire déjà, pourquoi c'est important? Pourquoi parler d'Oradour? Pourquoi c'est pas une vieillerie? Pourquoi c'est pas un truc dont on va se moquer? Et la preuve, c'est qu'il y a tellement de commémorations, les médias vont y insister, donc il y a quelque chose. Et deuxièmement, quelles sont ces choses qui ont été découvertes et corroborées, y compris par des historiens officiels? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Vincent? La parole est à toi, et je te remercie d'éclairer nos auditeurs sur cette question difficile d'abord, et tout en gardant l'esprit que ça coûte d'en parler librement. D'abord, c'est moi qui remercie Démocratie Participative de m'avoir invité et de m'inviter régulièrement maintenant. Alors, voilà, donc nous allons parler d'Oradour, qui est donc en effet, comme tu le dis avec raison, pour beaucoup de gens, quand on parle de l'importance du combat pour la vérité historique, on s'entend souvent répondre « mais vous perdez votre temps ». Les préoccupations des Français sont ailleurs, c'est le pouvoir d'achat, les salaires, l'immigration clandestine, source d'insécurité, la lutte contre la pauvreté, le climat maintenant, Bon, bah, le passé, les gens s'en contrefichent. Alors, je vous l'accorde. Les préoccupations des Français, ça concerne, en gros, si on veut résumer, c'est la crise et l'immigration. Mais la crise, elle ne date pas d'hier. Elle date du milieu des années 70. Elle a commencé avec ce qu'on a appelé le choc pétrolier. C'est depuis ce temps-là qu'il y a un chômage, etc. Quant à l'immigration, l'affiche du Front National « 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop », elle date de 1978. Donc, ça a 44 ans. Et depuis 1984, avec ce qu'on appelait le coup de tonnerre de Dreux, c'est-à-dire les premiers succès du Front National à Dreux, hein, le Front National avait été écrit en 1972, je le rappelle, eh bien, la droite nationale en France, elle obtient des scores électoraux qui sont non négligeables. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les inquiétudes que les Français arrivent à identifier, elles ont 50 ans. Et la droite nationale, elle est d'une force depuis, je dirais, près de 40 ans. Et elle s'est toujours présentée comme une force d'avenir qui répondait aux attentes des Français. Et lorsqu'il y a eu les premiers succès du Front National à partir de 84, 85, 88, je vous rappelle qu'en 88, Jean-Marie Le Pen, il obtient 4 millions, plus de 4 millions de voix aux élections présidentielles. Et en avril 1991, le numéro 2 du Front National, Bruno Maigret, quand on l'a interrogé, on lui a dit « Mais vous êtes résolument optimiste ?» Et il répond « Oui, j'ai confiance, avant la fin de la décennie, nous serons au pouvoir. » Et je me souviens très bien, à l'époque j'avais 22 ans, oui, mais on disait « Oui, c'est bon, avec les progressions, on va arriver au pouvoir. » Voilà. Ben, la fin de la décennie est arrivée et il n'y a rien eu. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là que c'est intéressant. Alors, eh bien, le 21 avril, pardon, 2002, va apporter la réponse. Jean-Marie Le Pen se hisse au deuxième tour de l'élection présidentielle. Un tremblement de terre. Enfin, pour ceux qui se rappellent, c'est un tremblement de terre, ce qu'on vit. Le lundi matin, la France est silencieuse. Je veux dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, je tiens à relativiser, parce que j'ai écrit un livre sur la question, un livre pour lequel d'ailleurs Robert Faurisson m'a félicité. C'est pas tous les jours. Bon. Il n'y a pas eu irruption de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen n'a pas fait des scores meilleurs. Ce qu'il y a eu le 21 avril 2002, c'est un effondrement du candidat socialiste Jospin, à cause de la multiplicité des candidatures à gauche. Et en fait, les voix de la gauche se sont éparpillées, et le candidat Jospin, s'est effondré. Mais si la moitié des gens qui avaient voté Taubira avaient voté Lionel Jospin, il n'y aurait pas eu le 21 avril de 2002. Donc déjà, c'est pour ça que je relativise souvent. Il faut faire attention. Mais, à peine les résultats annoncés, le soir du premier tour, il est 8h02, 8h03, les journalistes sont dans la rue et demandent à des gens « Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe ?» La première jeune fille interrogée nous répond « 50 ans après un génocide, c'est honteux qu'il y ait un Le Pen au pouvoir. Son discours est, elle ne sait pas trop quoi dire, elle dit « Il est fasciste. » Voilà. C'est-à-dire que dès la proclamation des résultats, la propagande se met en marche. « Attention, les nazis sont de retour. Pour Le Pen, 6 millions d'exterminés, c'est un détail. Avec l'extrême droite, vous savez ce qui vous attend. » Alors au Front National, on s'en moque. On dit « Oh oui, c'est quelques bobos de gauche, rien d'important. Madame Le Pen dit « Mais non, là, ça y est, la France, c'est la renaissance de la France. » Ouais. Et ben, le deuxième tour, on a vu. Gifle électorale de Jean-Marie Le Pen, 18%, enfin, vraiment. Oui, il a stagné, c'est-à-dire qu'en fait, entre le premier et le deuxième tour, il n'a pas progressé, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'il a eu quelques voix de, à l'époque, chasse-pêche chez les traditions, et quelques autres voix d'un autre parti. Bon, bref. Mais en effet, tu as raison, c'est une stagnation. C'est-à-dire que moi, je me souviens, au Front National, on me disait, mais non, pas du tout. Il y a des rapports des renseignements généraux, il était à 40%. J'y croyais pas du tout. voyant la propagande low-costique qui s'était mise en marche, je dis, alors ça, c'est ficelé d'avance, le truc, hein, c'est fini. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, bien sûr, que les gens se moquent du passé. Bien sûr qu'ils se lèvent pas tous les jours en pensant à Auschwitz. Mais, ça démontrait que dans les moments clés, on peut le passé reprendre de l'importance. C'est comme un muscle qui vous fait mal, un muscle dont vous ne servez pas tous les jours. Tant que vous ne vous servez pas, vous pouvez dire, mais non, c'est bon, ça va bien. Mais c'est bon, à partir du moment où vous voulez vous servir de ce muscle qui vous fait mal, c'est là que vous sentez qu'il y a un vrai problème. Et, quand aujourd'hui on me dit, ouais, mais regardez Marine Le Pen, elle a réussi, mais c'est elle qui l'avoue. Parce qu'à partir de 2002, après cette gifle électorale, elle a entrepris ce qu'on a appelé la politique de dédiabolisation. Et cette politique, en fait, elle se fonde sur un truc. Silence sur le passé, ne parlons que des préoccupations des Français. Immigration, baisse du pouvoir d'achat, mépris du peuple, délinquance, délocalisation, etc. Et d'ailleurs, interrogée en 2006 sur RTL, qu'est-ce qu'elle dit ? Moi, je suis une maman de 3 enfants. Je veux leur parler de l'avenir, pas du passé. Voilà. Et sûr que cette stratégie porte ses fruits, Marine Le Pen se dit « Ah, mais moi, je suis très optimiste pour le futur. » Et encore une fois, moi qui suis un vieux aujourd'hui, j'ai toujours entendu ça dans la droite nationale. « Non, non, mais c'est bon. Le futur, c'est OK. Ça va, c'est bon. » Bien. Et à partir de là, Marine Le Pen fait une politique de dédiabolisation. Alors, encore une fois, pour les plus vieux, vous vous souvenez, en 2007, c'est l'affiche du Front National avec une beurette dessus. Ça avait fait un peu d'ailleurs, ça avait un peu choqué à l'époque dans la droite nationale. C'était Jean-Marie Le Pen, hein. C'était pas encore Marine Le Pen candidat. Hein, c'est candidate, ça. Mais c'était Marine Le Pen qui déjà en suivant organisait. Directrice de campagne. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Exactement. Et donc, d'ailleurs, l'affiche électorale de Jean-Marie Le Pen de 2007, c'est un bon papa qui vous tend la main en disant vive la République. Enfin, c'était le bon papa bien accueillant. Et puis, Marine Le Pen, elle va aller très loin pour dans la dédiabolisation, puisqu'elle va même finalement exclure son propre père, à qui elle doit tout. Elle va l'exclure en 2015. Mais ce n'était pas encore assez, parce qu'encore les adversaires visés, Front National, Facho, etc. Donc en 2018, Marine Le Pen va changer le nom de son parti. Le Front National devient le Rassemblement National. Et 4 ans plus tard, donc en 2002, et là tout le monde s'en souvient, hein, elle est opposée à un président sortant dont le bilan était jugé très mitigé, voire négatif. Hein. Je dirais même par les médias officiels. Hein. Donc, la vague bleu marine espérée depuis si longtemps devrait arriver. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais enfin, elle a fait 42%, c'est quand même honorable. Mais comment ça, c'est honorable? Après 40 ans d'échec des partis de ce qu'on a appelé du pouvoir, des partis du système, 40 ans d'échec, 5 ans de Nicolas Sarkozy, 5 ans de François Hollande, 5 ans d'Emmanuel Macron, les scandales, les promesses non tenues, la crise sanitaire, les gilets jaunes, tout cela, mais c'est pas 42% que Marine Le Pen aurait dû avoir. Elle aurait dû être élue avec au moins 60% des électeurs. Or, comment expliquer que la droite nationale n'ait jamais été portée au pouvoir, je veux dire, pendant ces 40 ans? Comment expliquer que ses seules victoires, c'est quelques villes qu'elle a pu conquérir, d'ailleurs souvent qu'elle a reperdues après. Hein. Bon. Donc, comment expliquer ça? Alors, la réponse qu'on me donne, on dit, oui, mais le peuple français est manipulé. Il est manipulé par les médias, etc. Alors, ça encore, je vous l'accorde, oui. Mais cette explication, elle ne fait que reculer la question. Pourquoi la manipulation fonctionne-t-elle? Comment fonctionne-t-elle? Car, enfin, quand on me dit les Français sont manipulés, ils sont endormis. Attendez, quelqu'un qui peut pas joindre les deux bouts, qui le 20 du mois n'a plus rien sur son compte, vous avez beau lui dire qu'il a de l'argent, il n'en a pas. Hein, quelqu'un qui voit le grand remplacement, qui ne peut plus laisser son vélo sans qu'il soit volé, sa voiture sans qu'elle ait les pneus crevés, etc., vous avez beau lui dire que tout va bien, il n'y croit pas. Et la meilleure preuve que les Français ne sont pas endormis, c'est qu'ils identifient bien les problèmes. Ils identifient bien la crise, l'immigration, l'insécurité, ils le voient tout ça. Donc comment expliquer que malgré tout cela, qui est présent depuis 84, comment expliquer que la droite nationale ne soit pas arrivée encore? Eh bien justement, parce que la propagande qu'on nous oppose, elle est conforme à un fonctionnement du cerveau. Et c'est ça qui est capital. C'est le point capital que j'avais défendu après 2002. En disant, la propagande de l'État contre la droite nationale, elle correspond au fonctionnement du cerveau. Je m'explique. Pour voir comment votre cerveau fonctionne, c'est très simple. Vous faites une expérience avec un petit groupe de gens. Vous leur montrez une photo ou une scène avec quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, vous leur montrez une photo d'un tachymètre. Je suis sûr que ici, peu de gens savent ce que c'est un tachymètre. Hein. C'est un objet qui sert à mesurer la vitesse de rotation des moteurs. Vous leur montrez donc quelque chose comme ça, qu'ils ne connaissent pas. Eh bien, dans les 2 minutes, il y a forcément une personne qui va dire « Ah, ça ressemble à… » C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce que c'est comme objet, mais il y a forcément quelqu'un qui dira « Tiens, ça ressemble à… » Façon dont votre cerveau fonctionne. Votre cerveau, en fait, quand il se trouve face à quelque chose qu'il ne connaît pas, il n'analyse pas cette chose-là. C'est trop compliqué. Et peut-être d'ailleurs qu'il n'a pas les informations. Alors, ce qu'il essaie de faire, c'est de retrouver dans sa mémoire quelque chose qu'il connaît et qui ressemble. Et après avoir retrouvé cela, de cette chose qu'il connaît, il va en déduire des choses sur l'objet qu'il ne connaît pas. Je vais vous donner un exemple très simple, très simple. Imaginez, vous êtes par exemple en Amazonie. Vous n'avez jamais été en Amazonie, vous ne connaissez pas les tribus indiennes, etc. Vous approchez près d'un campement d'une tribu là-bas. Soudainement, des gens de cette tribu, des guerriers, sortent des buissons et avec leur sarbacane vous lancent des fléchettes. Les fléchettes arrivent à quelques dizaines de centimètres de vous, à ce planque-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez réagir? Vous ne connaissez rien de ces gens-là. Vous savez pas. Eh bien, votre cerveau, il va dire, oula, qu'est-ce que ça veut dire quand en Europe, si j'approche de quelque chose, on me tire dessus et puis la balle passe tout près de moi. La balle passe tout près de mon oreille. Mais le gars, il a tiré un coup de semonce, là. Il a tiré un coup de semonce, il a dit, n'approche pas plus, sinon je te bute. Donc, ce que vous allez faire, c'est que, ne connaissant pas la situation dans laquelle vous êtes, vous allez retrouver dans votre mémoire une situation analogue que vous connaissez, le coup de semonce en Europe, et vous allez dire, bon, écoutez, face à un coup de semonce, vaut mieux que je recule. Et vous allez reculer. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Dans certaines tribus, quand on vous lance des fléchettes à quelques dizaines de centimètres de vous, ça veut dire, vous voyez, on est des très bons tireurs, on aurait pu vous tuer. Mais comme on vous a pas tué, c'est que vous êtes le bienvenu. Vous pouvez approcher. Et vous ne le saviez pas. Donc vous avez raisonné comme votre cerveau raisonne. C'est tout à fait normal. Là, il se trouve que votre cerveau a porté une mauvaise conclusion. Mais très souvent, ça porte une bonne conclusion. Donc, l'être humain raisonne, ce qu'on appelle en science, par analogie-déduction. C'est-à-dire que vous analysez, quand vous avez un problème que vous ne connaissez pas, vous prenez une analogie, donc vous cherchez dans votre mémoire, ah ouais, ça je connais ce problème-là, ah ouais, je le fais, ok. Bon, eh bien, je vais pas m'étendre là-dessus. Qu'est-ce qui se passe en politique? 1984, la droite nationale fit irruption. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? C'est un raciste. Il aime pas les étrangers, il dit qu'il y a trop d'immigrés. Bon, c'est un antisémite, hein. Il n'aime pas les juifs. Puis c'est un nationaliste. Voilà. C'est tout. Racisme, nationalisme, antisémitisme. C'est bon. Ça vous rappelle rien? Oh bon Dieu. C'est Hitler. Et voilà. Et c'est pour ça que cette propagande fonctionne. Et qu'elle continue à fonctionner. Même si avec Marine Le Pen c'est moins prégnant. Mais c'est ce qui fait que, alors qu'elle devrait être élue avec 60-70% des voix, c'est toujours la même chose. C'est l'éternel argument, on sait où ça a mené. Parce que dès que les gens sont face à l'extrême droite, ils vont pas lire les programmes. Ils vont pas lire le programme de Marine Le Pen. Non, ok, on sait qui y a derrière. Et puis, on va pas voter pour elle, hein. Hitler, il a été élu démocratiquement, hein. Bon, on sait où ça mène. Et voilà. Et c'est ce qui fait que, pourquoi les jeunes à l'école, on les gave du passé, on les gave des leçons du passé, de la Seconde Guerre mondiale, de la déportation, des camps, etc. Mais les autorités, elles savent très bien ce qu'elles font. parce qu'elles savent que celui qui est maître du récit historique est maître de la politique. Parce que les gens raisonnent toujours par rapport au passé. Alors oui. Naturellement... Oui, je disais simplement, j'étais d'accord avec ce que tu disais, bien sûr, absolument. Et oui, on raisonne toujours par rapport au passé. D'ailleurs, ça se voit même en psychologie. Un enfant qui a été abusé petit n'allait pas l'approcher en lui disant « Tiens, voilà des bonbons, il va avoir peur, c'est normal, parce qu'il raisonne, il a dit « Oulala, mais la dernière fois que ça s'est fait, non. » Mais alors que non, moi je suis très gentil, je peux lui proposer des bonbons sans aucun a priori, mais à lui, parce qu'il raisonne toujours par rapport au passé. Tout le monde fait comme ça, c'est ce qu'on appelle les a priori. Mais c'est normal, il faut avoir des a priori, sinon on serait toujours en train de se dire « Qu'est-ce qui se passe là devant moi ?» On ne sait pas. Donc, on serait toujours des éternels apprenants. Exactement, on serait toujours, tu as très bien dit, c'était très intelligent, on serait toujours des éternels apprenants, on ne peut pas l'être. Donc on est obligé toujours de se référer au passé. Et voilà pourquoi cette propagande, encore une fois, bien sûr que les gens n'y pensent pas, vous demandez aux gens c'était quoi les 6 camps de concentration, les 6 camps d'extermination prétendus. Ils vont peut-être vous citer Auschwitz, oui, mais les autres, Treblinka, Majdanek, Sobibor, Belzec, non, ils ne savent pas. Mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'ils savent qu'en 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des gens nationalistes qui ont tué 6 millions d'innocents. C'est tout. C'est tout. Oui, ça me choque toujours, même rétrospectivement. Il y a officiellement dans le conflit, il y a 60 millions de personnes qui sont mortes en Europe durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a... Et bon, je croyais que selon les conceptions démocratiques, une personne en vaut une autre à égalité, et donc une mort, par définition, est aussi tragique, peu importe les circonstances. D'ailleurs, c'était tout le propos de Jean-Marie Le Pen, on avait parlé de détails de l'histoire, cette phrase est totalement tronquée d'ailleurs. Alors je sais que Robert Faurisson lui avait fait le reproche de l'utilisation du terme de détail, parce qu'il avait dit, ben non, c'est pas le détail, c'est l'essentiel, puisqu'il n'y a rien. Et donc le détail est une partie d'un tout, et le problème c'est que ce détail n'existe pas. Donc ça c'était le point de vue de Faurisson, évidemment, que je partage. Et donc Jean-Marie Le Pen dit, mais c'est un point de détail ça, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Sous-entendu, non pas, parce que ça c'est ça, ce qui est odieux dans cette histoire, quand même, indépendamment de ce qu'on pense de ce que dit Jean-Marie Le Pen sur le fait que ça existe ou ça n'existe pas, mais ce que Jean-Marie Le Pen dit, c'est pas la mort alléguée de 6 millions de juifs est un détail. Il dit la méthode d'exécution est un détail de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça qu'il dit dans l'interview. Il a jamais dit 6 millions de morts, c'est un détail. Il n'a jamais dit ça. Il a dit la méthode d'exécution est un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est ça qu'il exprime. Il exprime d'ailleurs assez mal parce qu'il sait pas, il n'a pas pris le temps d'expliciter très clairement son point de vue. Parce qu'en fait, même quand on est révisionniste en disant non, mais de toute façon, il n'y a pas de chambre à rien, il faut quand même s'arrêter philosophiquement là-dessus en disant mais attendez, il y a 60 millions de personnes qui sont mortes durant le conflit, et visiblement, il y en a 54 millions qui sont passés par perte des profits. Visiblement, il y a 54 millions de personnes dont on ne parle jamais. C'est quand même étonnant. Dans un monde où on nous explique que une vie en vaut une autre, on devrait commémorer la disparition de 60 millions de personnes dans des conditions tragiques, ce qui inclut d'ailleurs les Allemands. Et pas du tout. Non seulement, évidemment, les victimes civiles des puissances de l'Axe, on n'en parle pas. On parle de moins en moins, et croyez-moi qu'on ne va plus en parler du tout, les victimes russes de la Seconde Guerre mondiale, on ne va pas en parler. Je ne suis pas là pour faire de la réhabilitation de l'Union soviétique, puisque je suis résolument... ça n'a pas grand sens de dire, rétrospectivement, je suis pro, ça ne veut rien dire. C'est vrai, vous êtes pro, vous êtes pour le Troisième Reich quand le Troisième Reich existe et qu'il combat, si vous voulez. Bon, 80 ans de distance, être pour quelque chose ou contre quelque chose, ça n'a pas grand sens. Mais disons que je crois que effectivement l'Allemagne nationale socialiste combattait pour le bien. Ça, c'est ma conviction profonde. Mais, indépendamment de cela, pour des raisons géopolitiques, aujourd'hui, actuelles, eh bien, la Russie doit être effacée. Donc, les 24 millions de morts de la Russie durant le conflit, en tout cas, c'est le bilan officiel, bah, déjà, on n'en parle pas trop aujourd'hui. Et je crois qu'on ne va plus du tout en parler. Et on va dire, oui, mais bon, très important. Ouais. On va les effacer. C'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que la propagande évolue constamment. Elle retient les crimes qui l'intéressent. Elle retient les morts qui l'intéressent, qui font ses intérêts. C'est une constatation, d'ailleurs. C'est même pas une accusation que je porte ici, contre quiconque. C'est un comportement qu'on retrouve à travers l'histoire. Voilà, il y a des morts qui comptent et il y a des morts qui ne comptent pas. Des morts dont on a envie de se rappeler, des morts dont on n'a pas envie de se rappeler. Voilà, c'est le mode commun d'organisation de la mémoire humaine, en quelque sorte, vous voyez. Mais c'est pas de l'histoire. C'est pas de l'histoire. C'est de la mémoire. C'est autre chose. Et je crois aujourd'hui que, par exemple, les Russes, bon, non, on a envie de s'en débarrasser. On a envie de s'en débarrasser. Comme État, comme peuple, comme langue, comme tout. Voilà. On va trouver ça étonnant de la part de quelqu'un qui prend parti pour le Troisième Reich, mais voilà, c'est ce qui les attend. Mais en fait, la racine de ce mécanisme est déjà présente dans la religion de l'Holocauste. Il y a les morts qui comptent dans cette mécanique démocratique et il y a ceux qui ne comptent pas. Et il n'y a que 6 millions de morts qui comptent, allégués. Parce que quand on va creuser, c'est pas tout à fait la même comptabilité. Mais on nous interdit d'aller voir. Si vous allez voir, vous allez en prison, comme Vincent. Donc, voilà, c'est ça qui me stupéfie. Donc, on a 75 000... Pardon, je cite ça, parce que ça m'outrage. Il y a 75 000 Français qui sont des civils, qui vivaient en France durant le conflit. Ils vivaient là, dans les villes françaises. Ils ont été écrasés sous les bombes anglo-américaines. C'est pas des collabos, comme on dit. C'est pas des agents de l'étranger. C'est juste des Français qui vivaient là où ils vivaient. Et qui sont morts sous les bombes. Enfants, vieillards, mères de famille, arbitrairement tués par les bombes américaines. On n'en parle pas. On pourrait dire, c'est malheureux qu'ils soient morts durant le conflit. C'est malheureux. Et on leur rend un service, un hommage, etc. Mais c'est malheureux qu'ils soient morts, mais vous comprenez, bon, il y a quand même eu la libération de la démocratie. Ça serait une chose, ça. Mais ce qu'on fait, c'est ce après quoi beuglent les Juifs, c'est qu'on les efface. Il y a 75 000 Français qui ont été tués par les Anglo-Américains, qui n'existent pas. La plupart des Français ne savent pas que 75 000 Français ont été tués dans les villes où ils passent tous les jours. Je rajouterai juste une petite chose en une minute, c'est que justement, nous, pourquoi on nous dit « vous devez pleurer sur les morts juifs », c'est parce que justement... C'est au nom du plus jamais ça. Donc plus jamais le nationalisme, plus jamais le racisme. On adopte tout le monde, les droits de l'homme. C'est pour ça, en fait, qu'on nous dit, attention, il y a des morts qui ne nous servent pas, et ça, tu l'as très bien dit, parce qu'on n'a rien à faire, mais il y a des morts qui nous servent, parce que ils vont nous servir à promouvoir les idées de la démocratie. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, la propagande choatique n'est pas qu'une affaire des Juifs. Elle est omniprésente parce qu'il y a une synergie entre les sionistes, qui eux revendiquent que Israël a existé grâce à l'Holocauste, et les démocrates, les mondialistes, qui eux savent tout ce qu'ils peuvent tirer parti. Alors maintenant, justement, qu'on arrive à Oradour, parce que Oradour, ça s'inscrit dans cela. Et je vais vous donner, il y a un exemple très récent, le 28 mai dernier, donc c'est pas vieux, hein. Le dernier survivant, je dirais vedette, qui est encore en vie, donc le dernier rescapé du drame qui est encore en vie, Robert Ebras, il a eu le nom de sa rue à Joinville. Donc la ville de Joinville lui a donné la rue Robert Ebras, survivant rescapé du drame de Radour. À cette occasion, ce survivant, qui a 97 ans, a fait un petit... a dit quelques mots, et voici ce qu'il dit. Mon message aux générations futures, c'est qu'elles fassent très attention à la remontée de l'extrême droite. Je crois qu'il faut se méfier parce que malheureusement, ça peut revenir demain. À 550 km de Joinville, Robert Ebras revient de loin, d'Oradour-sur-Glane, son village natal attaqué par l'armée nazie le 10 juin 1944. Sa mère et ses deux sœurs sont brûlées vives dans l'église de la commune, et comme elle, plus de 200 femmes, plus de 200 enfants, massacrés par les SS. Les hommes mitraillés, les maisons incendiées, c'est le plus grand massacre de civils commis en France par les armées allemandes de la Seconde Guerre mondiale. Mathieu Bory, Clément Broussaudier. Des sept survivants de l'époque, Robert Ebras est le seul encore en vie aujourd'hui. L'ancien résistant perpétue son travail de transmission de mémoire aux nouvelles générations. Je crois qu'il faut se méfier parce que malheureusement ça peut revenir demain. C'est quand même c'est ce que je souhaite le plus, qu'ils ne voient pas ce que j'ai vécu. Le dernier témoin d'Oradour-sur-Glane, son dernier livre, sortira le 1er juin prochain, 9 jours avant la 78e commémoration du massacre d'Oradour-sur-Glane. Voilà. Et voyez là par un exemple très récent, et qui concerne Oradour, à quel point la mémoire sert des enjeux politiques. C'est ça, et c'est pour ça personnellement que je suis révisionniste. Moi d'abord, je suis un militant politique, mais c'est quand j'ai vu que la mémoire servait de cadenas pour empêcher toute renaissance nationale, quand j'ai lu Maurice Bardèche, ce fameux soir, je suis tombé sur ce livre et je l'ai lu, j'ai dit mais voilà, le combat numéro un, pour l'instant, c'est le révisionnisme. Et j'en terminerai avec, tu as parlé de la fameuse affaire du détail de Jean-Marie Le Pen, 16 septembre 1987. Et là, alors je vais vous donner quelque chose qui n'est absolument pas su même chez les révisionnistes. C'est des confidences qui m'ont été faites par les fourrissons. Jean-Marie Le Pen donc prononce cette phrase-là. La façon dont sont morts les gens est un détail. Le scandale. Eh bien, là, le Front National a été un carrefour de son histoire et peut-être la France a été un carrefour. Il y a eu ce qu'on a appelé la nuit tragique. Jean-Marie Le Pen, qui était révisionniste, s'est dit « Est-ce que je crache le morceau ou est-ce que je le crache pas ?» Et les révisionnistes, qui savaient qu'il hésitait, l'ont contacté en disant « Voilà, si vous crachez le morceau, si vous dites que ça n'a pas existé, on vous fait un dossier pendant la nuit, une espèce d'aide-mémoire qui vous permettra de répondre à ce qu'on vous dira et on sera derrière vous. » Et pendant cette nuit, Jean-Marie Le Pen s'est dit « Ah, qu'est-ce que je fais? Je crache ou je crache pas ?» Et au petit matin, il a dit « Non, je crache pas. Non, non, je fais machine arrière. Je vais dire qu'on m'a mal compris, ce qui n'était pas faux d'ailleurs, mais que ça, etc., etc., etc. » Et là, je dis que le destin, à un moment ou à un autre, le destin nous offre la chance. Et Jean-Marie Le Pen ne l'a pas saisi à ce moment-là. Et ça a été catastrophique. Voilà, ça a été après. Ben, aujourd'hui, il va mourir. Enfin, je lui souhaite de vivre le plus longtemps possible, hein, mais ben, il n'a pas réussi. Alors que s'il avait craché le morceau, tout était remis en question. Parce que Jean-Marie Le Pen, on ne pouvait pas le faire taire. Moi, on peut me faire taire, me mettre en prison, je compte pour rien, on s'en moque. Mais Jean-Marie Le Pen, c'était différent. Puis à l'époque, il n'y avait pas de loi anti-révisionniste. C'est ça le problème, c'est qu'il y a eu vraiment cette nuit, et c'est les fourrissons qui m'ont dit ça un jour où j'étais chez eux, un soir où on discutait, ils m'ont raconté ça. Et je vous dis, c'est pratiquement un scoop que vous avez là, parce que ça n'a jamais été dit. Hein. Je me permets de le dire maintenant, parce que ça fait 6 mois. Non mais c'est bien, parce que ça permet aussi de voir comment les événements se forgent. C'est vrai que le lendemain, Le Pen a été interrogé, il aurait dit « Non, mais ça n'a pas existé. » Le choix, il lui est posé, il dit « Mais non, mais ça n'a pas existé, je vous assure, c'est tout ça, c'est une fabrication, il suffit d'aller creuser. » Et oui, comme tu l'as bien dit, il a reculé. Et finalement, il y a... Je crois qu'il n'y a jamais de succès dans les demi-tentatives. Hein. Il n'y a jamais de succès dans les demi-tentatives. Il fallait qu'il n'en parle pas, jamais, absolument, ou alors s'il voulait toucher du doigt le problème, il fallait y aller à fond, mais il ne fallait pas rester au milieu du guet comme ça en disant « oui mais non, mais voilà, je pense que c'est le pire de toute façon dans tous les cas d'espèce. » Ah ben tu as raison, puisque tu as bien dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Oh ben, pour lui, 6 millions, c'est un détail. Ouais, c'est ça, ouais, et voilà, ça lui est complètement retombé dessus. Ouais, c'était le pire qu'il pouvait faire. Oui, c'était le pire, parce qu'on on dit, ah ben oui, en fait, pour ce mec-là, 6 millions de personnes gazées, il s'en fout. Alors qu'il disait pas ça, il disait non, mais c'est la méthode d'exécution qui est un détail. Alors que s'il avait dit tout simplement non, mais de toute façon, la méthode d'exécution en question est fallacieuse, on n'a jamais utilisé de chambre à gaz. Du coup, c'est la question des... c'était la catastrophe, effectivement, pour la version officielle, parce que les autres auraient dû expliquer, réexpliquer, contre-expliquer, enfin, c'était... Et il ne passait pas pour le salaud. Il ne disait pas, mais je me félicite, je m'indiffère de la mort de X. Je dis, non, ça n'a pas eu lieu, c'est complètement différent. Alors là, on dit, le cynisme barbare de cet homme qui se lave les mains de la mort de 6 millions de Juifs. Enfin, je veux dire, effectivement, comme tu le dis, c'est le pire de ce qui peut arriver, quoi, publiquement, quoi. Ah ben oui, il y a un moment, quand vous avez une grande mission, et Jean-Marie Le Pen avait une grande mission, il faut avoir un grand courage. C'est pas gratuit, hein. Je veux dire, on ne relève pas un pays en étant dans les demi-mesures, surtout quand un pays est déjà gravement malade. Donc c'est pour ça. Il y a un moment où il faut avoir du courage, comme tu dis, soit il faut rien faire, soit il faut rester planter ses poireaux. Mais moi, je reproche à personne de me dire non, moi j'ai pas le courage, donc je reste à planter les poireaux. Autre bien. Mais je veux dire, si oui, vous engagez, comment? C'est réglo. Enfin, moi-même dans mon engagement, je dis toujours ça aux gens. De toute façon, moi, je ne demande jamais rien de plus que ce que vous voulez apporter. Exactement. Voilà. Exactement. C'est... Quelqu'un moi qui me dit je n'ai pas votre courage et puis j'ai charge de famille. Moi, je sais ce que c'est de perdre une famille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous aider financièrement, par exemple. Ah, puis je dis, mais très bien, très bien. Ou alors j'ai une salle, vous pouvez faire des conférences. Il y avait des gens qui étaient comme ça. Ah, mais très bien, bravo, bravo. Vous faites ce que vous voulez et c'est ça qui est bien. Mais bon, voilà. Et là, mais Jean-Marie Le Pen, là, je dois le dire, malgré toute l'admiration que j'ai pour lui, n'a pas été à la hauteur ce jour-là. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre sur le 21 avril de 2002, hein, eh bien, j'ai appris par quelqu'un qui était à l'Assemblée européenne et qui était justement au Front National et qui côtoyait Le Pen, un jour il lui a montré mon bouquin et Le Pen dit oui, je connais, et il a raison. Donc Le Pen a dit, je veux dire, c'est ce qu'on m'a rapporté, hein, incognito, enfin en privé, il a dit que oui, cet auteur il a raison. Et voilà, et j'aurais dû, oui, mais je l'ai pas fait, et puis maintenant c'est trop tard. Bon. Oui, voilà, donc, maintenant c'était. Voilà. Alors, ah ben non, c'était trop tard, c'était trop tard. Voilà. Alors sur Oradour, maintenant. Pour nos auditeurs. Oui. Alors, les découvertes, fait, les découvertes. Alors, tu vas voilà, me dire. Voilà, sur Oradour. Voilà, qu'est-ce qui a changé depuis tes premiers travaux en 97? Et là, je pose des questions précises, c'est-à-dire quels sont. Alors, évidemment, sans faire un exposé très complet, parce que tu as fait donc, j'invite tous nos auditeurs à se reporter à ton compte gab.com, Vincent Renoir. Pour aller voir les détails, pour aller voir le documentaire que tu as fait, qui est très bien fait sur le sujet. Donc, ils peuvent retrouver là-bas absolument tout. Ton blog aussi sur Oradour. Il y a tout dans le détail. Mais pour nos auditeurs, qui a fondamentalement changé, si quelque chose a fondamentalement changé depuis ton premier ouvrage fait en 97, si je ne m'abuse. Tu avais fait d'ailleurs une conférence hein, publique à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, je vais d'abord répondre à ta question en disant ce qu'il y a de nouveau. Puis après, pour les jeunes auditeurs qui peut-être ne veulent pas lire ou ne veulent pas écouter tout mon... Bon, je peux comprendre. Hein, je vais vous faire d'ailleurs avec un peu d'humour, pour vous montrer à quel point la thèse est stupide. Alors, ce qui a changé surtout, ben c'est que si les Waffen-SS sont venus ce 10 juin à Oradour, c'était pour rechercher un des leurs, un gradé qui avait été enlevé la veille dans la région de Limoges, et une rapide enquête les avait orientés vers Oradour. Et s'ils ont été à Oradour, c'est parce que c'était un village qui était un poste de commandement ou une base arrière des maquis locaux. À l'époque, en 97, j'avais retrouvé, grâce à mes recherches, quelques maquisards d'Oradour, et par des déductions, j'en avais déduit qu'Oradour était certainement une base du maquis, mais je n'avais pas grand-chose. Il s'est trouvé qu'en 2018, il y a un livre qui est paru, ça a été l'édition d'un témoignage écrit d'un maquisard d'Oradour, Mathieu Bory, justement. Et pour la première fois, ce petit cahier était connu depuis 1944. Hein, et personne ne l'avait jamais publié. Notamment, il avait été publié par des extraits très courts en 1944, mais ils avaient effacé tout ce qui avait trait au maquis. Et puis en 1994, Paris Match, on avait publié des extraits plus larges. Mais c'est pareil. Mais là, il a été publié intégralement. Avec des photos. Parce que l'homme avait un appareil photo, prenait des photos. Et donc, il confirme aujourd'hui qu'Oradour, il y avait un maquis très structuré. Le maire était le chef. Le pharmacien appartenait au maquis. Et il était même doté d'un laboratoire photo de fabrication de faux papiers. Donc c'était pas quelques pieds nickelés, hein, qui étaient. Non, c'était vraiment le maquis structuré, organisé, hiérarchisé. Voilà. Et ça, en 2018, toutes mes hypothèses ont été complètement confirmées. Hein. Alors, il n'y a pas eu que ça. Parce qu'avant, on disait, oh, mais Oradour, mais de toute façon, c'était loin de tous les maquis locaux. Alors, ça, on disait en même temps, le Limousin a été le berceau du maquis français. C'était la région où il y aurait eu 10 000 Allemands qui auraient été tués par le maquis. Bon, enlevé 2-0 largement. Mais donc on disait, c'est la région, c'est le berceau du maquis. Vraiment, il y avait des maquis partout. Ah non, mais pas Oradour. Non, là, il n'y a pas de maquis même autour. C'est-à-dire que les Allemands, qui ont pris un village au hasard, ils ont juste été dans le seul village où il n'y avait pas de maquis. C'était vraiment ridicule. Et en 2001... C'est le bulletin des amis du musée de la résistance de la Haute-Vienne, donc c'est vraiment des héritiers idéologiques des maquisards, ont enfin révélé que Oradour était entouré de maquis. Alors ça j'en parle, hein, et notamment que le maquis le plus proche était à moins de 7 km du village, donc c'était tout proche. Voilà. Donc pendant 40 ans, on nous a dit, oh, c'est une région, il n'y avait pas de maquis, même au loin, c'était tranquille, etc. Et soudainement en 2001, on dit, non, attendez, il y avait Maldon, en fait, il y avait des maquis et tout. Il faut expliquer ça simplement pour nos auditeurs. Pourquoi c'est important de savoir s'il y a des maquis ou pas de maquis? C'est parce que c'est pour savoir si l'action des Waffen-SS dans ce secteur était justifiée militairement ou pas. C'est-à-dire que le discours, en fait, des communistes, hein, parlons franchement, était de dire les Waffen-SS ne menaient pas une opération militaire dans le secteur parce qu'il n'y a jamais eu d'activité militaire du maquis, voilà, donc ils ont vraiment agi simplement pour tuer des civils gratuitement sans aucune espèce de justification à caractère militaire. C'est pour ça d'où l'importance de savoir si oui ou non il y avait une base logistique ou de commandement du maquis à Oradour. Est-ce que ont très longtemps nié les tenants de la version officielle. Ils ont dit non, à Oradour, il n'y avait vraiment aucune activité à caractère militaire, maquisard, partisan. Voilà. C'est ça, exactement. Ça a été, et j'ai été le premier à publier, je veux dire, des pièces qui étaient complètement oubliées, et surtout à appeler l'attention sur le fait qu'il y avait un réseau d'évasion des pilotes alliés tombés au-dessus de la France, qui passait par Oradour. Puisqu'en 96, un des anciens pilotes alliés, pilote c'était un Anglais, mais qui vivait en Australie, Len Cotton, voulait retrouver des gens d'Oradour qu'il avait connus lorsqu'il était passé dans le village, parce que son avion s'était écrasé à Confolens. C'était un peu à l'ouest d'Oradour. Hein. Et il avait été logé dans l'église. C'est ça qui est extraordinaire, et il disait, je voudrais bien retrouver, moi, des gens. Mais naturellement, Oradour, c'était le témoin malvenu. Qu'est-ce qu'il vient nous réclamer, lui? Il est en train de dévoiler qu'il y avait un réseau d'évasion des pilotes alliés qui passait par Oradour. Donc ça, j'étais le premier à le faire. Donc ça a été vraiment une avancée que l'on me doit, encore une fois. D'accord, oui, il faut réclamer les lauriers qui te reviennent. On n'a pas un droit, mais... Alors, oui. Donc ça, ce sont les nouveautés. Alors il y a d'autres nouveautés, beaucoup. Aujourd'hui, ils avouent qu'il y avait donc un réseau d'évasion. Moi, j'ai lu, je veux dire, la littérature résistentialiste sur Oradour. Parce qu'il faut vraiment y insister. Un des points majeurs du discours officiel, et j'insiste, je sais pour nos auditeurs, pas verser là-dedans, mais c'est un point crucial. C'est-à-dire qu'ils ont insisté pendant des décennies en disant il n'y a pas d'armes à Oradour, il n'y a pas de gens armés à Oradour, anti-allemands, il n'y a pas d'activité militaire, d'officiers de la résistance, aucune activité clandestine, c'est un village paisible. Où chacun s'occupe de son commerce ou de ses terres. Voilà, et ça, il faut que les gens le comprennent. C'est-à-dire que ça a été le cadre posé pendant des décennies, jusqu'à aujourd'hui, 80 ans après. Enfin, maintenant, ça change, j'ai remarqué, c'est ce que dit Vincent. C'est-à-dire que Vincent a enfoncé une porte. C'est un découvreur. Il a dévoilé quelque chose. Les gens ont dit c'est faux, il ment. Et puis au bout d'un moment, bon, oui, c'est vrai. Mais on ne dit pas que c'est Vincent qui l'a découvert. Le premier, on l'oublie, il n'existe pas. Mais ils avouent. Oui, effectivement, bon, oui, il y a eu des choses. Et puis en fait, ils vont dire, oui, bon, il y avait une base logistique à Oradour, effectivement. Et en fait, le maire du village était à la tête de l'organisation militaire. Voilà. Bon, ça change complètement la donne. Et ça crédite la version, évidemment, des Waffen-SS. Je te rends la parole, bien sûr, Vincent, c'est toi le spécialiste. Je t'en prie, ce que tu dis est très important, tu as tout à fait raison, il faut vraiment insister là-dessus. Parce que eux, c'est ça. Après, ils disent, oui, on sait vrai. Pardonnez-moi, attendez, vous disiez le contraire il y a un an, et maintenant, vous retournez votre veste, il ne faudrait pas qu'on le souligne. Ça va, hein. Alors, tu parlais tout à l'heure, justement, tu disais, ils ont toujours dit, ils ont attaqué ce village, c'était gratuit. Alors aujourd'hui encore, ils nous disent « Ah, on ne sait pas pourquoi. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça, on ne sait pas. » Et puis, quand même, après, très souvent, ils disent « Non, mais en fait, c'était pour terroriser la résistance. » Parce qu'ils en avaient assez, la résistance qui les harcelait. Et donc, ils ont voulu la terroriser en exterminant un village. Et c'est là que on va voir que Oradour, ça tient absolument pas debout. Parce que dans le même temps, ils nous disent « Ah oui, mais vous savez, les Allemands, enfin les SS, ils ont pris des tas d'excuses pour expliquer pourquoi ils avaient tué Oradour. Mais toutes leurs excuses, elles se contredisent les unes les autres, donc ça prouve bien que c'est faux. Mais pardon, si je veux semer la terreur en exterminant un village, ben je vais pas après chercher d'excuses. Je vais tenir un discours très simple. Ah mais oui, on a tué ce village innocent, on les a tous massacrés. Tous. Et vous savez, à la prochaine attaque, on va refaire la même chose, avec un autre village totalement innocent. C'est-à-dire que quand on veut semer la terreur dans des populations, eh bien on dit, ah oui, dès qu'on sera touché, on va frapper les innocents. Personne n'est à l'abri. Personne. Et vous, les hommes, qui voulez nous harceler, vos femmes et vos enfants ne sont pas à l'abri. C'est ça, semer la terreur. Semer la terreur, c'est de dire personne, parce qu'on va frapper arbitrairement. Or, les Allemands ne disent pas ça du tout. Le lendemain, c'est le docteur Zamm, d'ailleurs, ça a été dit qu'en 1944, puis après, depuis, on n'en parle plus jamais. Il a dit, mais c'était un village plein de maquis. On n'a pas été là par hasard. Alors, il n'a pas dit qu'il y avait eu un officier enlevé, parce que ça faisait un peu des ordres. Mais il a dit, on n'est pas venu là par hasard. C'était un village plein de maquis. Quant à l'église, on ne sait pas ce qui s'est passé, on cherche à savoir. Et il a rajouté, les officiers responsables de ça seront sûrement punis s'ils n'ont pas déjà été. Donc, c'est pas du tout le discours de gens qui veulent semer la terreur. C'est le discours de gens pratiquement qui s'excusent. On a voulu faire une mission de police contre les maquisards et puis ça s'est terminé en drame général. Donc quand on nous dit aujourd'hui « Ah mais oui, mais c'était pour terroriser la résistance, puis de toute façon après ils se sont excusés. » Mais vous êtes complètement contradictoires. Ça tire pas de vous, votre thèse. Et Oradour, c'est pas la peine d'aller très loin. Moi, je développe après des arguments techniques du fait de ma formation sur comment les cloches ont été détruites, oui, mais etc. Qui est lumineuse. Je dois te le Merci. Dire parce que ah non, mais c'est ça, moi ça a été la révélation. Je te le dis. Moi, je suis un kidam. J'ai pas de formation scientifique. mais apporter voilà, des faits simples, accessibles au grand public, pour peu qu'on les explique très, très sommairement en disant voilà, non, voilà, une cloche ne se comporte pas comme ça dans telle circonstance, elle se comporte plutôt comme ça dans telle circonstance, et ben tu vois ça et tu dis ah bah oui. Ah bah oui, effectivement, d'accord, je comprends mieux, ça cloche complètement. Et tout s'effondre en fait. Moi, c'est, tu sais, moi je suis arrivé sur l'affaire de Razo, j'avais pas d'a priori. Je veux dire, parce que moi, aussi hitlérien que je sois, je j'intègre totalement la possibilité que des troupes appartenant à la FNSS commettent des actions. Je ne me suis pas dit, non, c'est totalement... Non. Mais je veux savoir. Et je veux savoir avec des faits. Et quand tu as montré l'histoire de la guerre, je me suis dit, bah oui, évidemment, bah oui, voilà. Les incohérences, les trucs... Et ça, c'est toi qui l'as apporté, c'est personne d'autre. Voilà, et comme j'avais été exposé, je l'avais déjà dit dans une émission précédente, à ce même mythe, ça m'avait frappé, et je m'étais dit que c'était une action historique de justice, en tout cas, de précision, d'exactitude, voilà. Bon, je te rends la parole, mais dans tout l'exposé que tu avais fait, en 97, hein, sur Oradour, voilà, le comportement de la cloche, pour moi, c'était le coup décisif. Ah oui, je pense. Et puis, le confessionnal qui n'a pas brûlé. Naturellement. On nous dit qu'ils ont incendié l'église au point de la transformer en four crématoire, ils le disent d'ailleurs, des flammes de 30 mètres de haut, à peu près des dizaines, voire peut-être une centaine de corps réduits en cendres. Et moi, je vais insister sur un point. Moi, j'étais un gamin, mon père était communiste, et il avait son petit fascicule au Radour, machin. Il y avait un soldat allemand qui se tenait comme ça. Il est connu ce fascicule d'ailleurs, il ne circule plus maintenant. C'est Souviens-toi, Remember. On voit un Allemand et du sang et des flammes. Voilà, et mon père l'avait. Mon père était communiste. Et il faisait pas la propagande. Hein. Mon père ne cherchait pas à m'embrigader dans le. C'est à mettre à son crédit d'ailleurs. Mais il avait toute cette littérature. Et je regarde donc ce fameux fascicule, etc. Et il faut bien comprendre que j'étais gamin, hein, j'avais 8 ans. Et bon, un gamin, il voit ça, et un gamin est marqué par les images. Enfin, il y a une capacité de suggestion chez les enfants qui est absolument incroyable. Donc, moi, je vois une église en flammes, et c'est vraiment c'est une vision infernale, hein, vraiment. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais en même temps, j'aurais pu, comme beaucoup d'autres, acheter à 100% la version gamin et ne plus jamais en dévier. Mais bizarrement, il y avait quelque chose intérieurement qui me disait, il y a un truc. C'était pas intellectuel, hein. Je sais pas, je mords pas. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai mis ça de côté et j'ai jamais trop creusé. Et quand j'ai vu ton exposé avec sa précision, etc., extrêmement pédagogique, je me suis dit, mais oui, évidemment, voilà. Et tu vois, et je pense que beaucoup de gens en France ont été exposés au même truc et non pas cogité. Ils se sont dit, ah bah oui, c'est ça, c'est, ça peut être que ça, c'est point barre. Il n'y a pas à réfléchir plus que ça. Ah ben moi, j'y croyais à fond. Et d'ailleurs, c'est amusant, c'est que mon histoire de Radour montre à quel point un petit, vous savez, on dit qu'un papillon qui vole dans un coin peut faire un cyclone dans un autre coin de la Terre, à quel point des petits actes peuvent avoir et des conséquences. Moi, au Radour, j'y croyais totalement, parce que voilà, aussi, j'étais hitlérien, mais enfin, bon, bah, des troupes qui font un crime de guerre, oui, bon, bah. Et un soir, je discutais avec un ami, qui était, donc j'avais 20 ans, hein, et qui était admirateur de la Waffen-SS. Vincent, il s'appelait aussi d'ailleurs, bon, je dis pas son nom, parce que, bon. Et on a discuté de ça, bon, puis moi, j'avoue que le militarisme, c'est pas tout à fait mon truc. Donc je lui dis oui, mais enfin bon, c'est étonnant, hein, certains te diront, mais c'est surprenant, il est hitlérien, il défend l'honneur de la Waffen-SS, mais paradoxalement, il serait plutôt pacifiste et pas franchement porté sur les arts. Enfin, voilà. Donc, et je lui dis, enfin, t'as pas fait d'essai, ça l'a comme fait Wardour. Hein. Et c'est là qu'il m'a dit, mais non, il y a des gens qui contestent. Et il m'a donné deux brochures, celle de Otto Wedinger, Tuléo Radour, une tragédie franco-allemande, et celle de Pierre Moreau, en écoutant qu'il y ait les pierres. Donc, alors, il m'a donné ça. Qui est contesté d'ailleurs, hein, Otto, on dit, oui, non, mais c'est du révisionnisme déjà avant la lettre, c'est ce qu'on dit, quoi. Oui. Oui. Exactement. C'est un Allemand, je précise pour ceux qui. Faut pas confondre avec Otto Weininger, hein, faut pas confondre. Hein. Pas exactement. Non, faut pas confondre. Et on dit oui, mais ça c'est a posteriori. En fait, qui a essayé en fait de laver l'honneur en fait hein, des Waffen-SS. Oui, parce qu'il était lui-même gradé de la Das Reich. De la Das Reich, voilà, unité prestigieuse du Troisième Reich. Et il a dit attendez, là vous êtes en train de saloper l'honneur de nos soldats, c'est pas possible. Et il est arrivé avec. Je crois une des premières un des premiers véritables efforts pour aller au fond du dossier et dire attendez là vous allez quand même un peu fort quoi vous les communistes parce qu'en fait c'était les communistes de A à Z dans cette affaire qui ont tout inventé il y a certains faits qui sont vrais mais le récit des faits qui est crucial a été fait par les communistes. Et c'est ça le problème. Alors justement, donc cet ami m'a donné ces deux brochures. Pour lui, bon bah, j'allais les lire et c'était bon. Mais ça a changé ma vie, puisque Radour, c'est un peu ma vie, hein. Je veux dire, et c'est marrant comme quoi, c'est pour ça que je dis souvent des fois, vous savez, vous allez faire un geste, vous allez penser que c'est un geste mineur, banal, mais vous allez peut-être changer la vie de quelqu'un. Et ce Vincent, il a changé ma vie. Parce que si je l'avais pas eu sur mon chemin, moi j'aurais cru, j'aurais dit bah oui c'est tout, puis c'est tout. Donc ça m'a toujours frappé. Mais il m'a donné ce soir-là ces deux brochures en ignorant, et moi aussi je l'ignorais, que ça allait complètement bouleverser ma vie. Et ça c'est pour ça que ne croyez jamais que quand vous faites quelque chose, il y a des gens qui disent oui mais de toute façon je le fais, mais ça servira à rien. Vous ne savez pas, vous ne savez absolument pas ce qui peut se passer. Donc c'est un message d'espoir ça. Merci Vincent de m'avoir donné ces deux brochures, même si ça m'a apporté beaucoup d'ennui. Donc, alors justement, et j'en terminerai là-dessus, parce qu'il ne faut pas non plus, les gens peuvent voir le documentaire. Tu as dit que c'était une division prestigieuse, la division Das Reich. Eh bien, quand vous regardez au Radour, c'est la 7e compagnie, ou c'est les pieds nickelés, quoi. Soudainement, ces SS sont des pieds nickelés. Et c'est ce qui montre à quel point c'est faux. Et si j'avais des sous, je ferais un film comme ça. Alors attention, je suis pas en train de mépriser les victimes. Je suis pas en train de me moquer des victimes. Les femmes et les enfants sont morts dans des circonstances atroces. Et j'ai la compassion pour eux. Hein. À chaque fois que j'étais à Radour, j'ai été me recueillir sur la fosse commune. Parce que c'est terrible ce qui leur est arrivé. Mais je vais me moquer de l'histoire officielle, tellement qu'elle est ridicule. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'après l'histoire officielle, les Waffen-SS arrivent, ils disent on veut terroriser la résistance, donc on va massacrer un village. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils rassemblent la population, ils répartissent les hommes dans 6 granges et garages, ils les répartissent par groupe d'entre 20 et 50, puis ils mettent les femmes et les enfants dans l'église. Non. D'abord, d'après la thèse officielle, ils fusillent les hommes, paf, c'est bon. Méthode qu'ils avaient à l'Est, hein, quand on veut supprimer des populations civiles, sur le front comme ça, on les fusille. Donc jusqu'à là, ça paraît logique, ça paraît tout à fait cohérent. Puis ensuite, il y a les quelques centaines de femmes et d'enfants, environ 440 femmes et enfants dans l'église. Et maintenant, ils se disent, comment on va les tuer? Et alors, le sous-chef arrive et dit « Chef, je sais comment on va faire. On va faire sauter l'église. » Alors déjà, il faut savoir que l'église de Radour, vous allez sur Internet, vous tapez église de Radour, c'était en fait un petit château fort, parce qu'elle datait des guerres de religion. C'était à l'époque où les Français se battaient entre eux pour des querelles religieuses, et elle devait pouvoir servir de refuge en cas d'attaque. Le village devait pouvoir s'y réfugier. Et c'est pour ça que le clocher, si vous regardez le clocher, il y a des échauguettes, il y a des meurtrières, c'est comme une tour de château fort. et elle était faite en granit, avec des murs épais d'un mètre largement, et liés par un ciment, comme a dit un auteur à l'époque, en 44, presque indestructible. Donc imaginez-vous, j'ai parqué des gens là-dedans, dans ce véritable bunker, et mon sous-chef arrive et me dit « Hey, pour tuer ces gens-là, on va faire sauter l'église. » Et je lui dirais « Enfin, vous avez bu ? Vous vous moquez ? Avec quoi ? C'est un château fort, cette église ? Comment on va pouvoir se faire le faire sauter ? Puis avec quelles munitions ? Avec quels explosifs ? Et puis comment on va les installer, ces explosifs ? Il faut se rappeler que la compagnie qui est venue à Oradour, c'était une compagnie, c'était une Panzerdivision, donc c'était une compagnie blindée. C'était pas des gens qui avaient des, c'était pas des artificiers, ils avaient pas des explosifs avec eux, ils avaient des grenades, oui, mais pas des explosifs. Donc, le sous-chef arrive et dit, ben voilà, on va faire sauter l'église, on va faire sauter l'église, mon commandant. Enfin, c'est ridicule. Alors, et puis vous les avez où, vos explosifs? Il y en a toujours au fond des camions, qu'on transporte avec la bière, enfin je sais pas, c'est complètement ridicule. Donc déjà, ça commence comme ça. Ils vont avoir une idée complètement saugrenue. Faire sauter l'église. Alors qu'est-ce qui se passe, d'après la thèse officielle, hein ? Ils la font sauter, on ne sait pas trop comment. Avec quels explosifs, on ne le saura jamais. Mais ça foire. Forcément. Hein. La tentative fait plus de bruit que de dégâts. Ah. Et non seulement elle fait plus de bruit que de dégâts, mais il y a un SS qui se prend une pierre sur la tête et qui est blessé gravement. Nous. Vous voyez déjà, les pieds niqués. Les mecs, ils essaient de faire sauter cette église. On sait pas trop comment, ça marche pas. Et ça marche d'autant moins, alors on lui dit que ça fait plus de bruit que de dégâts. Mais en 47, l'unique rescapée de l'église, parce qu'officiellement, il y a une femme qui est sortie vivante de l'église, qui a pu s'échapper par un vitrail, j'y reviendrai, Marguerite Ruffranche, elle s'appelle. On va l'interroger en 47. En disant, mais vous avez entendu pendant que vous étiez dans l'église, et elle répond, durant le temps que j'étais à l'église, je n'ai ni vu ni entendu aucune explosion. Cette pièce, c'est moi qui l'ai découverte. Et c'est moi qui l'ai publiée la première fois. Parce qu'elle détruit complètement la thèse. Mais, ou alors, il faudrait croire que toutes les femmes, enfin, que elle, au moins, était distraite et qu'elle n'a pas entendu les SS qui n'ont pas explosé l'église. Oui, bah, c'est difficile de pas entendre l'explosion. Hein, c'est quand même difficile. Oui, ça me paraît un peu difficile. Et en plus, bah, sous la contrainte, en 47, deux ans après les faits, par les autorités françaises, bon, elle a le temps d'y réfléchir, donc c'est pas une déposition qui peut être suspecte. Voilà. Exactement. C'est pour ça que cette pièce, ils ne l'ont jamais sortie. C'est grâce à des avocats des anciens de la FNSS que j'ai retrouvé. Moi. Alors ça, et d'ailleurs, ils ne l'ont jamais contesté. Ah, ils m'ont traité de menteur. Quand Robert Ebras a été interrogé sur RTL il y a 2 ou 3 jours, j'ai été traité plus ou moins de psychopathe, mais enfin oui, je suis un psychopathe si vous voulez, j'en ai rien à faire. Ça c'est des insultes de gens qui n'ont rien à dire. Qui n'ont rien à dire, parce que cette pièce, moi j'aurais bien voulu qu'ils me disent non, mais Renoir, elle n'est pas vraie cette pièce. Bah, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils attendent ces gens-là pour un débat contradictoire? Comment dirais-je, les moyens technologiques le permettent aujourd'hui. Exactement, moi je suis prêt, c'est ce que je réclame à nouveau, hein, d'ailleurs bon. Alors, donc, ils ratent. Ah, ils ont raté. Alors qu'il aurait suffi de prendre les femmes et les enfants, les faire sortir par groupe de 50 et les fusiller. Hein, c'est très simple. Non, mais là, ils essaient de faire sauter l'église, ce véritable château fort. Alors, ils ratent. Alors, ils disent, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah, ben, c'est dommage, là. Ça n'a pas marché. On a même blessé un des nôtres. Alors, cette fois, ils vont faire une caisse. Alors, cette fois, le sous-chef revient. Il dit, chef, bon, ça a foiré, c'est vrai, c'était pas bon. Mais là, on va faire une caisse fumigène. C'est-à-dire qu'on va déposer dans l'église une caisse fumigène qui va dégager de la fumée noire et on va asphyxier les femmes et les enfants. Alors déjà, quand vous voyez le volume d'une église, parce qu'une église c'est quand même haut de plafond, hein, jusqu'à présent, hein, il va falloir mettre assez de fumée pour que les gens puissent en plus mourir asphyxiés. Parce qu'avec de la fumée, on est rapidement incommodé, mais de là, est asphyxié. Donc déjà, mon sous-chef me pose ça. Il dit, attendez, on va faire une caisse fumigène. Et encore, je lui dirais, mais enfin, c'est ridicule. On va les sortir 50 par 50, on va les tuer. On va les fusiller, c'est ce qu'on faisait à l'aise, c'est très facile. Non, non. Alors, ils font une caisse, on ne sait pas trop comment. On ne sait pas avec quoi. Ou ils prennent le produit fumigène, ils en ont sûrement à l'arrière des camions. Hein, ils ont tout à l'arrière des camions. On n'en sait rien de cette caisse. Et alors, en plus, il faut une caisse détonante d'abord. C'est-à-dire qu'ils mettent des mèches, et quand ils vont allumer les mèches, la caisse va exploser, et la fumée va sortir. Ça, c'est la thèse officielle, je ne mens pas. Donc, ils vont faire ça. Donc, ils déposent la caisse vers 16h à l'église, ils allument les mèches, puis ils s'en vont vite en fermant les portes. Mais ces crétins, ils ont pas de conseil, la caisse explose trop fort. Donc les vitrailles sont soufflées. Et donc la fumée s'échappe. Et donc personne n'est asphyxié. Vous voyez ? Voilà cette unité d'élite, comment elle se comporte cet après-midi. C'est les pieds nickelés. Les pieds nickelés. Oui. Alors, quand ils voient que les femmes et les enfants n'ont pas été asphyxiés, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils rentrent dans l'église et ils vont les mitrailler. Alors, je vais vous dire, manier des mitraillettes dans une église en granit, ou quand une balle va taper contre un mur, elle va ricocher. Oui. Parce là, c'est fatal. Les murs sont truffés d'impact. C'est obligé. Et surtout, les balles vont ricocher en tous sens. Absolument. C'est-à-dire que moi, je vais pas tirer une balle dans une église, mais sûrement pas des rafales de mitraillettes. Hein, sûrement pas. Et surtout si on est en groupe. Il est évident qu'on va s'entretuer. Mais non. Ils rentrent. Ils tirent. Ils tuent plus ou moins tout le monde, pas vraiment. Bon, puis ensuite, ils disent... On parle de combien de personnes, là, qui sont décédées dans les... 440, à peu près. 440. Bon, un demi-millier de personnes assassinées à bout portant avec des armes automatiques, ça laisse des traces dans les murs. Ça laisse. Alors, ils disent, oui, mais il y a des impacts. Oui, forcément, parce qu'il y a eu une bagarre dans l'église. Bon, ça, je sais pas. Il y avait des résistants. Quelle bagarre ? Ça, c'est intéressant, ça. Alors, justement, le problème, en fait, c'est que ce qui s'est passé... La vraie histoire. Donc, les Allemands arrivent dans le village, ils disent, voilà, on cherche un gradé. Et il y a des munitions chez vous. Donc, dites-nous ce que vous savez. D'abord, personne ne dit rien. Bon. Ils disent, ok, vous voulez pas parler. Bon. Les femmes et les enfants, c'est pas votre problème. On vous écarte, comme ils avaient fait à Tulle la veille. Ils avaient tué aucune femme et enfant à Tulle. Hein, je veux dire, bon. Pourtant, il y avait eu 40 Allemands, assassiné bestialement. Hein. Ah oui, oui, l'affaire de Tulle aussi mérite d'être intéressante. Voilà, ils ont fait des représailles. Mais ils avaient, à Tulle, ils avaient parqué les femmes et les enfants. Non, ils les ont même pas arrêtés. Ils ont arrêté des otages qui sont pendus. Mais ils ont arrêté ni femmes ni enfants. Ils n'ont rien fait. Bah, tous les mecs qu'ils ont pendus, qui étaient soi-disant des innocents, c'est tous des communistes. Ils appartenaient tous au maquis, hein, ceci étant dit. Oui, il y en avait beaucoup, je pense. Alors après, je ne me suis pas vraiment penché sur l'affaire. Mais bon, à Tulle, la veille, il y a quand même une quarantaine d'Allemands assassinés. Ils ne tuent pas de femmes et d'enfants. À Tulle, les rouges qui se battent... D'abord, il faut le souligner, et ça, je suis désolé, c'est absolument central. Les lois de la guerre prévoient, et prévoyaient à l'époque, parce qu'ils ont tout réécrit entre-temps, c'est normal, les marxistes, qui sont les défenseurs des guérillas à travers le monde, prêchaient par leurs paroisses. Alors, ils ont fait réécrire par leurs agents les lois de la guerre. Mais au moment de la Deuxième Guerre mondiale, les lois de la guerre sont absolument claires. Un homme qui est pris des armes à la main, sans uniforme, à tirer sur une unité régulière portant uniforme, peut être abattu sur place une fois prisonnier. C'est absolument clair, et tout le monde est d'accord. Et l'armée française ne s'en est jamais privée. Oui, parce que naturellement... Ça n'a jamais été un crime de guerre. Jamais. Et à Tulle, les cocos, les communistes, ont pris d'assaut la garnison, d'abord, sans uniforme. Les prisonniers qu'ils ont eus entre les mains allemands, ils les ont assassinés, alors que c'est des prisonniers de guerre. Quand les Allemands ont repris position du terrain, donc ils ont cartonné les mecs. Et c'était logique. Donc les mecs, ensuite, ils sont venus pleurer comme des femmes. Non. Un homme, ça assume son combat. C'est ça la grande différence aussi, dans l'attitude face à l'ennemi. Tous ces types, je peux en parler familialement, puisque contrairement, je ne sais pas ce que les gens pensent de moi, je ne viens pas du tout de l'extrême droite, et durant le deuxième conflit mondial, ma famille et mon grand-père, mes deux grands-pères, j'en avais un qui était prisonnier en Allemagne, et le deuxième, si je vous donnais son pédigré, je pense qu'un certain nombre tomberaient de leur chaise. Ces gens-là ne se sont pas battus régulièrement. Le procès qu'on fait aux Allemands est un procès à Tulle, est un procès scandaleux. scandaleux. Les Allemands ont utilisé des méthodes adaptées aux méthodes qui leur ont été appliquées par les terroristes rouges. Si les rouges avaient porté uniforme et s'étaient battus loyalement et avaient respecté la vie des prisonniers qu'ils avaient faits sur le champ de bataille, jamais les Allemands n'auraient procédé à des exécutions dans la population, c'est-à-dire dans la population masculine, qui étaient les membres des organisations armées clandestines dont on parle. Jamais ils ne l'auraient fait. Et ils devraient au moins avoir, mais c'est trop demandé de la part des Rouges, l'honnêteté d'assumer leur combat. Parce que c'est comme les antifascistes, et je m'écarte, et je te redonne la parole quand même Vincent, mais c'est une philosophie, et nos gens à nous doivent le comprendre, parce que s'ils ne comprennent pas ça, il y a 80 ans comme aujourd'hui, ils ne comprendront jamais. C'est comme l'affaire Clément Méric. Ils envoient des gars à eux, plus ou moins consciemment, se battre, plus ou moins bien équipés, plus ou moins bien conseillés, et quand ça se termine mal, ils se foutent d'ailleurs de savoir que le mec a passé l'arme à gauche, ils récupèrent, ils exploitent politiquement. Le jeune Méric a commis une erreur d'appréciation. Il n'était pas dans un état de santé tel qu'il aurait dû prendre à partie des militants du parti adverse. Il aurait dû avoir conscience de ses moyens et des moyens de ses adversaires. Ça n'a pas été le cas. Il est entré dans une rixe. La personne, Esteban Morillo, s'est défendu. Est-ce qu'il s'est défendu ? Je ne connais pas les circonstances, mais il lui a donné un coup de poing. Il est tombé raide mort. Les Rouges ont exploité. Ils ont hurlé à l'agression fasciste. Mais ce n'est pas vrai. Le guet-apens, c'était celui des Rouges. Et à Tulle, c'était la même chose. Et c'est toujours la même chose avec les Rouges, parce que c'est leur stratégie. Toujours, tout le temps, sous toutes les latitudes. Toutes les guérillas marxistes ont suivi un processus tactique similaire. Provoquer, attendre la réaction de l'ennemi, exploiter politiquement pour recruter, recommencer, étendre le champ de bataille. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est la philosophie de la guérilla révolutionnaire rouge. Ça a toujours été comme ça. Faire tuer des civils a toujours fait partie de la méthodologie rouge. Toujours. Ces gens s'en foutent. Pourquoi ? Parce que selon leur philosophie, un être humain, c'est pas un être humain. C'est une somme, c'est 80 kilos de matière pensante. Je reprends telle quelle la phraséologie du Parti communiste. Un être humain, c'est 80 kilos de matière pensante. Ni plus, ni moins. Alors, Vincent, ici, ensemble, on fait un peu l'éducation, notamment des plus jeunes, qui ne connaissent pas tout cet embrigadement rouge des populations à l'époque, cette discipline révolutionnaire, parce qu'ils étaient disciplinés, et le fait que le Parti communiste, les marxistes, en France et dans toute l'Europe et dans le monde entier, ont toujours été gouvernés par un seul principe, le cynisme le plus total, quitte à faire tuer des gens, sans aucune restriction. Y compris à Oradour, y compris à Tulle, partout, au Vietnam, partout. Ça a toujours été leur méthode. Et nos gens, nos camarades, doivent le savoir. L'armée allemande en France a été diffamée, elle a été insultée, elle a été traînée dans la merde par des ordures de communistes. Il y a des gens qui ont combattu l'armée allemande la tête haute, pour les convictions qui étaient les leurs, et loyalement, dans un esprit qui était un esprit, conforme à une éthique de combattant. Les Rouges ont toujours procédé différemment. Et ça, les gens doivent le comprendre. Et à Oradour, c'est ce qui s'est passé. Et la réécriture des faits correspond exactement à la philosophie du Parti communiste, à la philosophie des marxistes. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Malheureusement, je crois, trop de gens dans nos milieux, manquant probablement de formation politique, ne le savent pas et avalent, gobent les mythes de l'ennemi. Un cynisme totalement fou, une absence du principe de non-contradiction, dire blanc ou noir suivant ce qui vous arrange, mais c'est absolument pas, ça n'a aucune importance. Je pourrais donner un exemple absolument dramatique, dramatique de leur cynisme, parce que le problème, c'est que les méthodes des communistes ont éteint sur leurs alliés. Je m'écarte un petit peu de Doradour, mais ça va prendre 3 minutes seulement. Lorsque Laval, le président Laval, qui avait été donc le chef de gouvernement sous Vichy, en 45, il passe en procès. Et on lui dit, vous vous rendez compte, vous avez donné à l'Allemagne des travailleurs français pour qu'ils aillent travailler en Allemagne. Les Allemands n'ont même pas eu besoin de vous les demander. Vous leur avez donné, vous avez devancé leur demande. Vous êtes le traître intégral. Et Laval, le 16 octobre 1945, est fusillé, après avoir été condamné à mort. Quelques mois plus tard, c'est le procès de Nuremberg. On juge, parmi tous, on juge Zocken. Zocken, c'était le plénipotentiaire allemand pour la main-d'œuvre, justement, celui qui devait rechercher des ouvriers étrangers pour qu'ils travaillent en Allemagne. Qu'est-ce qu'on lui dit? Vous êtes un assassin. En France, vous avez fait pression sur le gouvernement pour qu'il vous donne des ouvriers. Vous avez tout fait pour que le gouvernement cède. Vous avez utilisé de la violence, de la menace pour que les autorités françaises cèdent des travailleurs. Donc, à quelques mois d'intervalle, deux discours complètement opposés pour pouvoir condamner à mort deux types. Pierre Laval et Fritz Zaucken, qui lui sera pendu un an plus tard, jour pour jour, le 16 octobre 1946. Donc un cynisme complètement fou, ces vainqueurs, capable de dire blanc ou noir. Et dernier exemple, on dit à Oradour, « Oh, les Waffen-SS, ils ont tué ces femmes et ces enfants pour impressionner la résistance et lui faire cesser le combat. C'est pas la guerre, ça, c'est du massacre. » Mais qu'est-ce qu'ont fait les Américains à Hiroshima? Eh ben, ils ont bombardé la ville pour impressionner le gouvernement japonais, pour le forcer à arrêter la guerre. C'est pas le même raisonnement, là? C'est pas la même chose? Ah ouais, mais non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. À Oradour, c'est pas bien. C'est un crime. À Hiroshima, oh ben, ça a permis d'économiser la vie d'un soldat. Ah ben, c'est bien. Donc, sauf à Hiroshima... Sauf qu'à Oradour, c'est faux. Voilà, exactement, c'est ça, mais... Voilà, à Oradour, c'est pas bien, c'est un crime, parce que c'est les nazis. Mais par contre, à Hiroshima, oui, on a fait une purée de 75 000 japonais, mais on a sauvé 1 million de soldats américains. Ah, on est des rois de l'humanité. Et oui, enfin, disent-ils, hein, c'est leur spéculation. Quand ils disent on a sauvé 1 million, ils pourraient dire 1,5 million, 800 000. Ah, bah oui, enfin, oui. Combien ils veulent, hein, je veux dire. Ils s'en moquent. Mais surtout, ça veut dire qu'en gros, ça veut dire, leur philosophie, c'est quoi? Parce que c'est quoi la guerre? Pourquoi est-ce qu'à la guerre, vous pouvez résister jusqu'au dernier homme? Parce que vous pouvez espérer qu'en résistant jusqu'au dernier homme, l'adversaire ne pourra pas vous vaincre et va être obligé de réclamer une paix de compromis. Parce que c'est ça, la guerre. La guerre, ça peut se terminer soit par une paix de compromis, soit par une reddition inconditionnelle. Et voilà pourquoi il y a des pays qui résistent jusqu'à la fin, même quand ils savent que c'est perdu. Ils disent oui, mais on va tenir pour espérer que l'ennemi soit épuisé et qu'on ait au moins une paix transactionnelle. C'est ça la guerre. Or, les Américains, qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, non, quand j'estime que j'ai gagné la guerre, si tu veux pas continuer, je massacre tes femmes et tes enfants. Mais c'est pas la guerre, ça. Le droit de la guerre n'a jamais dit, il y a un moment où quelqu'un a le droit de dire, bon, la guerre est bonne, hein, c'est bon, on a gagné, hein, alors toi t'arrêtes ou je massacre tes femmes et tes enfants. Dis donc. Tu veux dire, et par contre, si les Allemands avaient fait ça, alors là, on dirait c'était le cynisme pur, la barbarie nazie, mais non, chez les Américains, ça passe tout à fait. On a le droit, j'ai le droit de dire, moi je veux arrêter la guerre. Alors c'est t'arrêtes si vous dites. Ils sont conditionnés à cette double pensée où. Tout à fait. Parce que je te passe le truc à mais pas à lui. C'est ce qu'avait dit Bardèche. D'un côté, parlant des résistants, vous avez pu manier la mitraillette, le pistolet, tuer les gens dans le dos. Mais de l'autre côté, quand vous étiez à Vichy, même pour avoir passé un simple coup de téléphone, vous pouvez vous trouver au poteau. Et c'est tout à fait ça. Chez les uns, vous avez tué, vous avez massacré, pas de problème, c'était pour la démocratie, pour la libération. Chez l'autre, ah, mais dites-moi là, vous avez passé un coup de téléphone pour donner un ordre, vous avez donc participé à un crime de guerre, allez hop, poteau. Voilà. C'est un peu comme Marlène Albright, je crois, qui disait que ce qui avait été fait en Irak, ça valait le coup. Ça valait le coup. Alors, non, on lui a dit textuel, on lui a dit, on lui a mis ça sous le nez. 500 000 enfants irakiens morts du fait de l'embargo décrété par les États-Unis. Est-ce que vous pensez que ça les vaut ? Et Albright dit oui, ça les vaut. C'est... Bon, Albright qui est une juive. Hein. Donc, oui, c'est, il faut comprendre la psychologie, parce que la racine du bolchevisme, la racine du marxisme est juive. Puisque Marx, il était... Bien sûr, ces gens-là sont prêts à tout. Et ça... beaucoup de gens ne le comprennent pas. Encore aujourd'hui, c'est pour dire la lourde... En Céline, on lui demandait quel épitaphe vous aimeriez sur votre tombe, il disait, ils étaient lourds. Quel mot voudriez-vous prononcer, quelle phrase voudriez-vous écrire avant de disparaître ? Ils étaient lourds, voilà ce que je pense, oui. En pensant, les hommes en général, ils sont horriblement lourds, n'est-ce pas ? Ils sont lourds et épais, voilà ce qu'ils sont. Plus que méchants et bêtes en plus, mais ils sont surtout lourds et épais. Et vous, vous avez essayé d'être léger ? Oh, j'ai pas besoin d'essayer. Je n'ai pas besoin d'essayer. Je suis le fils d'une réparatrice de dentelle ancienne. Je me trouve à avoir une collection assez rare, sauf ce qui me reste. Et je suis peut-être un des rares hommes qui sait différencier la Baptiste de la Valencienne et la Valencienne du Bruges, le Bruges de l'Alençon. Je connais très bien les finesses, très très bien. Et je n'ai pas besoin d'être éduqué, je le sais. Et je sais également la beauté des femmes comme celle des animaux. Très bien, très très bien. Je suis expert en ceci. Mais pour être expert en ceci, il faut vraiment s'en occuper. C'est dans son laboratoire intime qu'on s'occupe de ces choses-là. Et je le répète, je trouve surtout les choses énormément lourds. Je les trouve lourds. C'est surtout ça que je trouverais. Dieu qu'ils étaient lourds. Voilà tout ce qu'ils me font comme effet. Surtout quand ils s'imaginent d'être malins. C'est encore pire. C'est tout ce que je vois. c'est pénible au bout de 3 siècles, 4 siècles d'expliquer la même chose aux gens, ils comprennent pas. C'est alors qu'ils ils morflent à coups de dizaines de millions de victimes. Tout passe avec c'est exactement. Regardez pour rester en Irak, ils nous disent vite, il faut envahir l'Irak parce que Saddam Hussein a des armes de destruction massive. Ils envahissent l'Irak, on trouve pas d'armes. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah ben on s'était trompé, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Oui, mais attendez, mais et vos responsabilités maintenant, vous avez menti. Ah ben non. Vous avez menti. Et vous devez quoi? Oh non, rien. Oh non, c'était juste pour rire. C'était pour rire, c'est bon. Non, mais d'ailleurs, c'est pire, c'est qu'on recommence ailleurs. C'est-à-dire tout à fait. Là, c'est l'Ukraine maintenant, vous voyez, ça n'arrête plus. C'est... D'ailleurs, au passage, quand ils ont menti à propos des armes de destruction massive, là, Colin Powell avait sorti une soi-disant fiole d'anthrax, non ou de, je sais. Oh pas, non, il disait que c'était un produit chimique nouveau, enfin, incroyable. Bon, en tout cas, je veux dire, c'est quand même assez drôle parce que le type se ramène quand même au Conseil des Nations Unies avec une fiole soi-disant mortelle, tu vois, donc. Ça explique c'est le ridicule du truc. C'est Hollywood, c'est la population hollywoodisée, et les gens ne doivent pas sous-estimer ça. Hein, je veux dire, donc, voilà, bon, c'est. Donc, si c'est pas vrai aujourd'hui, c'était pas vrai hier. Hein, je veux dire, voilà, c'est. Bon, mais apparemment, les gens veulent gober les mensonges des à la fois des Américains et des communistes. Quoi, hein, je veux dire, apparemment, ils sont friands. Bon, on va voir jusqu'à à quel temps que ça dure, mais. Ça ment, mais pas en allemand. Le problème, c'est que c'est un peu tout à l'heure quand on parlait de la psychologie comportementale, je me suis intéressé beaucoup, et vous comprenez pourquoi, à la diffusion des rumeurs. Pourquoi est-ce qu'une rumeur est crue alors que des fois elles peuvent être complètement stupides, hein, complètement stupides. Eh bien, en fait, on s'est bien aperçu que on croit ce que l'on espère ou ce que l'on veut croire ou ce que l'on redoute. Ça peut être, il y a un triple phénomène. Et tant que les gens veulent croire que le fascisme, entre guillemets, hein, tous les fascismes, sont horribles, ou qu'ils sont dans le camp des bons, c'est pas forcément avec les fascistes, ça peut être avec l'Irak, avec la guerre en Ukraine, etc. Ils vont gober tout ce qu'on va dire, tout ce qu'ils vont dire. Tous les bobards de leur camp, ils peuvent les gober sans aucun problème. Et toutes les injustices, ils vont tout justifier. Et ça, c'est énorme, c'est énorme. Et ça se voit très bien à Hiroshima, hein. Je veux dire, on bombarde une ville ouverte pour dire, on sème la terreur pour forcer un gouvernement à arrêter la guerre, ce qui est totalement illégal du point de vue du droit international, mais ça passe. Il n'y a aucun problème. L'équipage de l'Enola Gay, donc l'avion qui a largué la bombe atomique, j'ai la photo, revient, et dans les défilés de la victoire, il est fêté. Il est fêté avec marqué dessus, sur le camion où ils étaient, c'est l'équipage qui a largué la bombe. Personne ne se dit, vache, vous avez fait quand même une purée de 75 000 femmes et enfants et vieillards en quelques secondes. C'est quand même, c'est pas un peu beaucoup de vous fêter quand même. Non, ça passe, aucun problème. C'est comme le lapsus, c'est bien illustré tout ça là, l'ordre de poids de mesure avec le lapsus de George Bush qui avait dit que l'attaque de l'Irak était inacceptable. Enfin, et après il s'est repris, il a dit non, il parlait de l'Ukraine, ouais, il s'exprimait sur l'Ukraine, il disait imaginez-vous un tyran qui attaque illégalement l'Irak, je veux dire l'Ukraine, et c'est le sketch quoi. C'est récent, hein, ça date de deux semaines, ça, quand Bush. Ils ont le droit. Eux, ils ont tous les droits. Il en a même rigolé lui-même. Je veux dire, il a. C'est là que les types, tu vois que c'est du théâtre. C'est-à-dire que les mecs, il s'en est amusé. Il a dit, bon, les gars, il a dit ça à la tribune. Il dit, bon, j'ai 75 ans, les mecs. ils en rigolent. Entre eux, ils en rigolent. Voilà. Les chambres à gaz, ils savent très bien que c'est de la propagande. Leur chambre à gaz à Dachau, c'était tellement ridicule qu'ils devaient se marrer. D'ailleurs, dans les procès d'après-guerre, il y avait ce qu'on appelait les témoins professionnels. C'est-à-dire les procès contre les Allemands, hein, contre les gardiens de camp. C'était des témoins qui étaient payés, qui étaient logés, nourris, payés, qui avaient des hôtels, et qui, à chaque procès, aller témoigner. Alors ils disaient ce qu'on leur demandait, hein. Tiens, aujourd'hui on va juger Gunther Wurms, tu dis qu'il a tué des gens, ok je te dis pas de problème, bon demain ce sera Ilse Kor, tu diras que ouais pardon. Eh bien il y avait un jeune américain qui était là, qui s'était engagé, je crois, comme peu importe, il était dans les équipes de la justice. Il a été écœuré parce qu'il a vu. Et il disait que à Noël 46, l'équipe américaine a fait une fête pour Noël. Et ils ont fait une petite pièce de théâtre pour raconter les procès. Une pièce marrante. Et bien, dans la pièce marrante qu'ils racontaient, ils se moquaient. Il y avait un témoin professionnel qui arrivait et qui racontait toutes ces salades. Et c'était drôle. Et tout le monde se marrait. Mais n'empêche que ce témoin professionnel, avec lui, on pendait des gens. Ils avaient pendu des Allemands quelques jours avant, pas condamné à mort, pendu après. Mais le soir de Noël, tout le monde en rigole. Et il dit, j'étais horrifié. Le mec, il était horrifié. Il dit, mais tout le monde savait que c'était des faux témoins. Tout le monde savait qu'il mentait. Tout le monde savait que des gens étaient condamnés à mort injustement. Pff, on s'en moque à Noël. Tout le monde rigole de ça. C'est drôle. C'est trop drôle. Horrible. C'est abominable. C'est très juif, hein, pardonne-moi de te le dire, c'est très très juif, hein. Moi je serais pas surpris. Pardon. Oui, je sais, mais je serais pas étonné que, si tu veux, de bout en bout, surtout à Noël, tu vois, je crois qu'il devait y avoir quelques Ashkenazes dans le lot, hein, je pense. Tu vas me dire, je ne sais pas, mais moi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Pourri 1946, quoi. Oui, c'est ça. Pourri 1946 de Streicher, tout à fait. Qui a été d'ailleurs, Streicher, donc l'antisémite, enfin l'anti-juif, je vais pas faire ce mot-là, moi, du Troisième Reich, auquel j'ai consacré un livre, d'ailleurs. Excellent, oui. J'ai bien écouté, merci beaucoup. Non, parce que tu. Oui, enfin, je donne la parole à l'auteur qui ne pourra que dire mieux les choses que moi. Ah oui, oui, oui, merci. Donc tu peux... Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ça a été le premier, on dit que ça a été l'un des plus bêtes à Nuremberg, mais ça a été le premier révisionniste. C'est le premier qui a dit, quand on lui disait qu'il y avait des millions de juifs qui étaient morts, il a dit, mais c'est techniquement impossible de tuer autant de gens. Il a dit ça. Techniquement impossible. Et je sais que Robert Florisson avait, sur ce point-là au moins, pour Streicher, une grande admiration. Il m'avait dit, c'est le premier révisionniste. Il nous a, c'est lui, lui qui a posé le problème sur le terrain technique. Donc c'est le premier qui a dit, non, moi j'y crois pas. J'y crois pas, c'est techniquement impossible. On est venu le chercher parce que les juifs américains lui reprochaient ce qu'il avait dit. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'ai découvert aussi, ça. Dans les archives de Nuremberg, à un moment, il y a un juge d'instruction qui dit, vous savez, le cas Streicher, c'est vraiment pas solide, parce qu'en Amérique, on lui reprocherait rien. Et il disait, c'est pour ça qu'il va falloir trouver des témoins qu'il a battu ou qu'il a tué, parce que c'est un cas qui est pas pour nous, qui est pas solide du tout. On lui reproche rien. Et l'intérêt, pourquoi j'avais fait un livre sur Streicher, aujourd'hui, plein de militants nationalistes sont accusés, sont condamnés pour provocation oui. à la haine raciale. Eh bien, c'est Streicher, le premier au monde, qui a été condamné pour ça. Parce que justement, comme tu l'as dit très bien, Streicher, à partir de 1940, il a été écarté. C'est-à-dire qu'il a été relégué dans sa ferme, interdiction de parler. Il pouvait éditer le Stürmer, parce que le Stürmer était un journal privé. C'était pas un journal du Parti National Socialiste, comme on le croit. Hein. C'était un journal comme un autre. Il était donc privé. Eh bien, mis à part ça, il était plus gauleiter, il ne pouvait plus faire de discours public. Il était dans sa ferme, sous ou moins en résidence surveillée. Donc à Nuremberg, quelle a été sa défense? On a dit quoi? Bon, vous nous accusez de complot contre la paix. Moi, j'étais pas un militaire, j'étais pas dans les cercles, j'ai pas comploté contre la paix. Vous nous accusez de crime de guerre. J'étais trop vieux, j'étais pas au front, j'ai pas fait de crime de guerre, j'étais pas un militaire non plus. Vous nous accusez de crime contre l'humanité. Oui, mais vous dites vous-même que l'extermination, entre guillemets, elle a commencé après la conquête de la Russie. C'était en juin 41. Moi, ça faisait déjà un an à peu près que j'étais en résidence surveillée. Donc, un crime contre l'humanité, moi j'y suis pour rien. Et qu'est-ce qui a répondu l'accusation? Ah non, Streicher, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Certes, vous n'avez pas ouvert les vannes de gaz. Certes, vous n'avez pas déversé le zircon B dans les chambres à gaz. Mais par votre propagande, vous avez poussé les Allemands à l'antisémitisme. Et vous les avez rendus aptes à faire ces crimes contre l'humanité. Donc vous n'avez pas commis le crime contre l'humanité, mais vous avez provoqué le peuple à commettre ces crimes. Et il a été condamné à mort et pendu. Le premier qui a eu le regrettable, le tragique honneur, entre guillemets, hein, d'être condamné pour arme, il a été condamné pour, excitation, pour provocation à la haine raciale. Et quand aujourd'hui des gens, des militants nationalistes, sont condamnés pour provocation à la haine raciale, c'est un lointain écho du procès de Nuremberg. C'est ça qui est intéressant. Ils avaient dit que Nuremberg ne poserait pas de précédent pour les législations nationales. C'est faux. C'est faux. Ça a posé le précédent de donc provocation à la haine. C'est catastrophique, hein. C'est catastrophique. On vit aujourd'hui, et de plus en plus, avec cette chape de plomb de Nuremberg, du passé, de la mémoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils cultivent les passeurs de mémoire, etc. Ils savent à quel point la mémoire, c'est une arme de destruction massive pour le nationalisme. C'est pour ça que je dis aux jeunes, le révisionnisme, vous pouvez pas le mépriser. On l'a trop méprisé pendant 40 ans. La droite nationale, elle a raté le grand rendez-vous en 87. Depuis, on nous a toujours dit non, il faut se dédiaboliser, il faut être respectable. J'en ai vu encore une fois, je suis un vieux maintenant, moi. J'ai vu le docteur Bachelot qui s'est arrêté Jean-Marie Le Pen en disant non, moi je vais faire un parti respectable. Allez hop, aux oubliettes de l'histoire. Bruno Maigret, on va faire un parti qui va être respectable. Terminé. Après, bon, aujourd'hui c'est Florian Philippot qui fait un parti soi-disant les patriotes respectables. Allez hop, terminé. C'est pas possible. Il faut aller au combat de la mémoire parce que le cerveau des gens fonctionne comme ça. Ou alors, si ça marche pas, ce sera le jour où il y aura une crise énorme que les gens se réveilleront. Oui, mais est-ce que cette crise viendra? Et est-ce que ce jour-là, ce sera pas trop tard? Parce que la démographie joue contre nous, là. Hein, c'est le cas de le dire. Messieurs, je vous remercie pour cette émission et je vous dis à la semaine prochaine. Et on vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine et merci à tout le monde pour son écoute. À la semaine prochaine.